Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Jacques Ruffier disait « Aucune culture, aucune religion, aucune civilisation n'est à l'abri de la destruction. » Dans l'adversité, il faut faire front. C'est quelque chose que vous avez déjà appris. L'expérience l'a confirmé, et elle le confirme encore aujourd'hui, dans la gueule de charbon. Peut-être, au final, que c'était là votre destinée, périr sous ces assauts cendrés. Et c'est la raison pour laquelle il est revenu sur votre chemin. Avec la mort de votre civilisation, peut-être que vous aussi, vous avez sombré. Toute cette histoire n'était finalement que le pourrissement. Et les vers vous rongent à présent. Charbon vous ronge. Ou peut-être que du vieux, que des restes pourrissants, peut naître une nouvelle vie, plus belle, une seconde chance. Mais encore faut-il être là pour le voir. Mais pour le moment, la catastrophe est encore fraîche. Certains, peut-être, en tremblent encore. Mais tel un rat de marée, une horde, plus grande que jamais, a abattu ses vagues sur votre Cadio Market, forteresse de votre communauté depuis ses débuts, vous forçant à fuir, séparant le groupe en deux. Sous les conseils d'un inconnu venu vous prévenir, ou vous menacer, vous vous êtes dirigé vers la zone de la ville dans laquelle les flammes avaient été longtemps maîtresses depuis votre visite de l'hôpital. Les uns à pied, perdant tragiquement l'un des leurs en route, les autres en pick-up, dont le sort est encore à juger. Car en effet, dans un fracas de terreur, ceux d'entre vous qui observent encore les lieux depuis les toits, hésitant à descendre l'escalier branlant, vous pouvez apercevoir le fameux véhicule arrivant en trombe et en panique. À l'arrière, Alexios, gravement blessé et aux prises avec le cadavre réanimé de Francis, le dernier des militaires du groupe. Peter, le boucher mal aimé, tente tant bien que mal de tirer sur la jambe de ce dernier pour l'éloigner du blessé, trop diminué pour fuir efficacement. Les autres ne comprennent que trop tard ce qui arrive lorsqu'arrivant sur les lieux du rendez-vous, Jade, la roqueuse réfractaire, au volant, pile soudainement, aussi paniquée que celui qui risque sa vie actuellement. Tous ceux à l'arrière basculent les uns sur les autres, hors du pick-up. Problème, emmêlés les uns avec les autres, l'un d'entre eux a bien l'intention de savourer la chair. Mais qui est qui? Je vais te demander, Alexios, un jet de chance. Ok, très bien, et je crois qu'en chance tu as quelque chose comme... C'est ça, tu avais moyen. Alexios, donc, tu t'es retrouvé alors qu'on essayait de retirer Francis de dessus de toi, absolument au sol. Tu as été renversé avec tout le monde, tu es hors du véhicule, tu viens de heurter le goudron, le bitume, avec des gens sur toi, des gens sous toi, et tu sens toujours quelque chose en train d'essayer de s'agripper à toi. Maintenant, est-ce que c'est Francis ? Est-ce que c'est l'un de ceux qui était avec toi à l'arrière du véhicule ? C'est-à-dire, pour rappel, Peter, le boucher, Eric, un de ceux avec lequel vous avez le moins parlé, Ciliane, le pizzaiolo, Bob, le plus âgé du groupe, Misha, l'infirmière, et c'est tout. Ou Francis, bien entendu. Je vais te demander quelle est ta réaction immédiate. J'essaie d'enlever mes jambes. J'essaie d'essayer de me mettre debout, tranquillement, tout en regardant qui c'est qui m'agrippe. Ok. Alors, comme tu es complètement enchevêtré, vous êtes enchevêtrés les uns dans les autres, hein, vous êtes en train d'essayer de vous dépatouiller les uns les autres, je vais te demander un jet de constitution, on va dire, parce que ça demande quand même une certaine force pour se défaire de tous ces gens qui sont sur toi, autour de toi, sur toi. Un jet de constitution, c'est ça ? C'est ça. Voir si tu ne te fais pas juste immobiliser par la masse. Très bien. Ainsi, tu essayes donc de te défaire. Malheureusement, au moment où tu commences à essayer de te soulever au-dessus du sol, tu as une main qui se pose directement au milieu de ton plexus et qui te réappuie sur le sol. Tu ne sais absolument pas si c'est quelqu'un qui te veut du mal ou quelqu'un simplement qui lui aussi essaye de se relever et a pris appui sur la première chose qui lui est arrivée. Mais tu es complètement immobilisé. Et les choses continuent à s'agripper à toi. En regardant autour de toi au même moment, tu commences à remarquer qu'il y a actuellement au-dessus de toi, il y a Eric, donc le plus jeune sur le pick-up, celui avec lequel vous avez le moins parlé, qui est juste étalé sur toi et c'est justement celui qui essaye de se soulever en prenant appui sur toi. Mais tu remarques aussi qu'entre toi et lui, il a l'air d'avoir une tête qui te regarde droit dans les yeux, avec un regard blanc, et tout ce qu'il essaye de faire, c'est de te mordre directement au ventre. La seule chose qui l'en empêche, c'est justement cet enchevêtrement de membres, de bras et de jambes, qui du coup l'immobilise lui aussi en même temps que toi. Cependant, il niaque dans le vide encore et encore, se rapprochant peu à peu. J'ai pas un couteau avec moi. Alors je vais te dire ce que tu as dans ton inventaire. Tu n'as pas de couteau sur toi d'après ton inventaire. Tu as, je te rappelle, des livres, un sac à dos qui contient une corde, un baudrier, un sac de couchage. Tu avais aussi un pistolet et une sacoche de premier secours. Ben, je lui fous un livre entre les dents. Mes livres entre les dents. Tiens, mange. D'accord. Je regarde l'autre con là, je lui dis maintenant tu dégages. Il faut qu'on dégage de là. Ok. Et du coup, t'es immobilisé, tu essayes de saisir dans ton sac la première chose qui pourrait lui bloquer sa mâchoire. Malheureusement, c'est un enchevêtrement et tu es complètement immobilisé avec les autres. Malheureusement pour toi, celui qui est le moins immobilisé, c'est celui qui est le plus dangereux d'entre vous. Et tu vois qu'il est à quelques centimètres, 2-3 centimètres, de te niaquer directement dans le gras. Et c'est le moment... C'est le moment où, dans la panique, tu remarques que Misha ainsi que Bob, le plus vieux du groupe, qui sont eux aussi enchevêtrés avec toi, remarquent le danger, remarquent où on est l'attaque, et essayent de le tirer le plus loin de toi. Malheureusement, c'est assez compliqué. Je vais, comme la dernière fois, te laisser un peu dans le suspense. et revenir donc sur nos compagnons qui sont sur le toit. Je rappelle donc sur le toit Cinda, Driver, Kali, la petite, Adam, le second plus vieux du groupe, qui était le professeur d'ethnologie, les frères Place, et toi, Ed, qui vient de remonter à l'instant même où les gens où les autres sont en train de regarder depuis la hauteur et voient le chaos en train de se dérouler en dessous. Bordel, ça a pas l'air simple. Bah, j'arrive en fait le regard bas en fait, je le visage grave. Alors j'aurais pu dire blême, mais c'est un peu compliqué pour moi, on va dire. Où est Dwayne ? Ils l'ont attrapé. Oh, les salauds. Qui ça ? Les rôdeurs ? Je baisse la tête, ça. Ed, regarde, je pointe de doigt le véhicule et le chaos total qu'il y a. Je crois que ça en rend de mal tourné. T'as bien fait de prendre la petite. Bah. Faut qu'on se dépêche du coup. On peut descendre à partir de là ? Bah, disons que ça va être compliqué. On a pris les escaliers de secours, ceux-ci sont très instables. Du coup, on a voulu passer par l'intérieur du bâtiment. Sauf que celui-ci est infesté de rôdeurs et en plus, on n'a aucune visibilité. Donc, ça va être assez compliqué, je pense. Donc, soit on. Question, parce que c'est un détail que je n'ai plus, cher MJ. Quand on était sur le toit. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'échelle et tout, c'est ça ? En gros, on était coincé. En gros, il y a un escalier extérieur, là, en ferraille, comme il y en a dans certains vieux bâtiments aux États-Unis. Et en gros, il était très branlant. Et c'est ce qui avait motivé Ed et Dwayne à tenter plutôt de passer par l'intérieur du bâtiment pour descendre plutôt que par l'extérieur. Ça menace. Bah, du coup, il va falloir prendre l'escalier. On a un manque de temps. Et puis surtout, si on peut essayer de limiter la casse, on a déjà perdu l'un d'entre nous. Je veux pas qu'on en perde un deuxième. Bah, écoute, moi je veux bien. Par contre, je pense qu'il va falloir faire très attention au fait qu'il est peut-être fragilisé et qu'on pourrait tomber et se blesser gravement. Bien sûr, mais à un moment, faut prendre le risque. De toute façon, on va pas rester coincé là sur le toit. Et s'il y a infesté de rôdeurs dans le reste du bâtiment, on n'a pas vraiment d'autre choix. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, faire une corde de drap ou un truc. Je sais pas si on a grand chose pour faire ça ici. Quand tu es rentré à l'intérieur, tu as vu. C'est quoi comme bâtiment ? C'est des bureaux. C'est des bureaux. Ouais, donc pas trop de draps généralement. Non. Foiré de bureaux. Allons-y, on perd du temps et. Le groupe a besoin de nous. Ok. Je passe en première. Quoique. Il faut quelqu'un d'assez la plus légère d'entre nous, je pense, pour tenter. Sachant que la plus légère, c'est la petite, mais on va peut-être pas risquer sa vie sur. Je suis pas trop pour. Effectivement. Du coup, je propose que j'y vais à première, parce que je crois que je suis parmi les plus légères. Je sais pas, Driver, peut-être. On doit valoir à peu près le même poids. En tout cas, c'est sûr que toi, Ed, tu nous surpasses. Peut-être que ton passif de boxeuse pourrait t'aider plus facilement à te débrouiller si tu te retrouves en bas. J'y vais à première, je vous donne un peu. J'aurais moins confiance. Non, mais y a pas de soucis, j'y vais. Le but, c'est juste voir si ça tient, et si ça tient, tout le monde descend un à un, et Kali descendra en même temps que toi, Ed. Ok. Et ben, on y va. Ok. Du coup, Cinda, tu t'aventures sur l'escalier de ferraille branlant. Oui. Et je vais te demander donc à la suite un jet de chance suivi d'un jet de dextérité. J'ai réalisé que j'avais ouvert ma fiche 2 secondes. J'en ouvrir. Hop. Alors. Alors, ma fiche. Ok. Chance, tu m'as dit. Ok. Hop. D'accord. Ensuite, tu m'as dit dextérité. Je suis. Ah ouais. Okay. Putain, je suis mauvais aux deux, quoi. C'est vrai que j'étais une très mauvaise boxeuse en vrai. 49 dex. Mauvais. Voilà. Donc 34 en chance et 49 en dex. Ce qui est. Ok. Sachant que je suis mauvais, j'ai un peu peur, mais. Du coup, tu aventures tes premiers pas dans cet escalier et tu sens directement qu'en effet. C'était quand même au moins un peu justifié le fait de s'en méfier parce que tu le sens vraiment se trembler, mais de manière presque catastrophique. Hein. À chaque pas que tu fais, ça se répercute de haut en bas et de bas en haut ensuite, ça fait des allers-retours. Et tu vois les murs, l'endroit où ils sont accrochés avec des parfois seulement un seul des gros boulons qui sont censés y être sur quatre. Et tu remarques que, en effet, bon, ça risque d'être compliqué. C'est faisable, mais ça va être compliqué. Alright. Bah, déjà, de là où je préviens le groupe en parlant un peu fort. Oui, je parle lance-quai de temps en temps. Ou lance-quoi, je ne sais pas, mais effectivement. Et. Déjà, je leur préviens, c'est totalement le bordel. Enfin, il manque 3 boulons sur 4, ça va être compliqué. Maintenant, j'essaie quand même d'avancer en même temps que je parle pour voir vraiment. Et si je sens par contre que ça commence à lâcher ou quoi que ce soit, enfin, si ça lâche totalement d'un coup, bon, j'y peux rien. Mais si je sens que ça a fait un gros boom, j'arrête de bouger immédiatement et j'essaierai de remonter. Quoi. Du coup, tu continues ta progression tout en parlant sous le regard des autres qui s'attendent à te voir sombrer et plus jamais, jamais te voir. J'y vais, alors je l'ai pas indiqué, mais j'y vais bien entendu très doucement. Hein. Je suis pas en mode. Ouais. Pas doucement. Et en effet, il y a des moments où tu t'arrêtes à un petit moment ou un autre, mais au bout d'un moment où tu as fait au moins la moitié du chemin, tu commences à te dire que c'est faisable au moins un nain et. Tu continues ta progression en faisant signe aux autres, j'imagine. Ok. Bah du coup, on fera un 1. Ça prendra du temps, mais si ça peut éviter des blessures. Sachant que... Non, en fait, il n'y a pas forcément de chance. Je me demandais si le poids pouvait être plus dangereux en haut ou en bas, mais je pense qu'à partir du moment où il y a du poids... En fait, ça va juste dépendre si c'est un truc qui est vraiment mal vicieux, quoi. Donc je vais y aller petit à petit et tranquille. Du coup, tu descends. Tu arrives en bas. Dans cette une espèce de petite ruelle, du coup, qui faisait la... vers lequel cet escalier menait. Et le prochain passe. Cependant, le moment où le prochain pose le premier pas est aussi celui où vous entendez un hurlement étouffé. Un hurlement étouffé par du sang, un hurlement de mort. Le genre de dernier hurlement d'une personne. En effet, de ton côté, Alexios, toi... qui était à ça de te faire mordre, tu as commencé à être tiré en arrière par un de tes compagnons sûrement, qui avait réussi à se défaire plus facilement que les autres. Et dans un mouvement d'élan, sûrement aussi avec les habits que tu as, ça a tout de même entraîné Francis avec toi. Francis donc... qui te suit dans le mouvement et qui continue à niaquer. Et c'est le moment où... t'entends une sorte de d'immobilisation, ou en tout cas pour retirer quelqu'un de tes prises, Micha, l'infirmière, saisit Francis par derrière, à la gorge, avec son bras, et essaye de le tirer en arrière. Malheureusement, le mouvement n'a pas été aussi précis qu'elle l'aurait voulu, et tu vois devant toi une giclée de sang t'atteindre. Je te fais... tu reçois même du sang directement sur le visage et tu comprends à présent que Micha, l'infirmière du groupe, vient de se faire mordre directement à la jugulaire par Francis. et elle lâche un grand hurlement qui peu à peu s'étouffe avec du sang qui commence à couler. Je vais te demander ce que tu vas faire. Bah... Il y a suffisamment de bordel dans tout le quartier, non ? Qu'est-ce que t'entends par là ? Bah, il y a l'hurlement... Ah ouais, bah oui, il y a eu du... La voiture est arrivée à fond, elle a pilé, et il y a eu l'espèce de lutte au sol, et à présent, oui, il y a eu hurlement. Ouais, et en gros, dans cette petite ruelle, ça bloque le passage des autres rollers. Écoute, bonne question, mais en tout cas, il n'y a pas de rôdeur immédiatement à vue. Je rappelle du coup qu'avec le véhicule, vous aviez mis une certaine distance avec eux au bout d'un moment. Ok. Bah, si je vois ça, bon, moi je suis libéré, c'est ça ? Ouais. Je me lève. Et je dis aux autres, on s'en va. Ok, très bien. Du coup, tu... Bon, je vais pas te faire faire un jet non plus quand même, parce que bon, je pourrai pas faire les fous. Tu te lèves difficilement, parce que je rappelle du coup que tu es assez gravement blessé, on t'a tiré dessus. Donc tu te lèves difficilement du mieux que tu peux, mettant de la distance avec la scène, et tu commences à dire aux autres de partir. Cependant, beaucoup d'entre vous sont là, immobiles, regardant la scène, incapables de trop comprendre, de savoir trop quoi faire, et surtout bien conscient que Misha n'est pas encore entièrement morte. Elle est toujours en train de tenter de hurler, étouffée par le sang, et Francis, lui, est toujours en train de la dévorer. Ce n'est pas le genre de scène dont on s'en va froidement, pour la plupart des mortels en tout cas. Je prends mon flingue et je les abats les deux. Ok, très bien. Eh bien, je vais... C'est pour éviter qu'elle souffre. Je vais te demander, si tu le veux bien, un petit... Là, je suis fou, je bute les autres. Je vais te demander un petit jet d'attention, on va dire, parce que tu es dans un état quand même assez second. Je rappelle que juste avant, pendant le voyage, tu avais même du mal à bouger ou à signaler aux autres que tu étais en danger. Là, l'adrénaline est de nouveau à fond, donc tu peux de nouveau un peu te précipiter, mais tu n'es peut-être pas dans la meilleure situation pour viser et tirer. Donc... quel est le résultat de attention, ton jet et... Attention et quoi d'autre? Attention seulement. Okay. 50. Ok. Du coup, tu sors ton arme, tandis que tout le monde un peu autour est un peu toujours sous le choc, en train de regarder ce qui se passe. Et tu tires une première balle. Dis-moi, la première balle est pour qui? Pour Francis. Ok. Du coup, tu tires une première balle dans Francis, qui du coup lâche son emprise sur Misha et tombe à la renverse. Tu tires rapidement une seconde balle pour éviter que Misha ne souffre trop, et elle aussi s'effondre au sol. Le sang s'écoule maintenant, dessinant autour d'eux un ange de sang. Je vais me tourner vers les autres, qui du coup sont toujours dans la situation, et je vais vous épargner la descente un à un par l'escalier. Elle se déroule sans trop de problèmes, mis à part quelques frayeurs sûrement, pour certains des plus massifs d'entre vous. Et bien maintenant qu'on est tous en bas, est-ce qu'on a dépassé vraiment la horde qui fonçait sur le market, ou est-ce que là, si on rejoint la route principale, on va être submergé? Genre avec ce qu'on voyait. Vous avez mis une distance. Mais ok, donc de toute façon, après, on n'a pas les barrages de voitures qui ont été faits. Nous, on n'est pas derrière ces barrages-là. Oui, il y avait des barrages. Vous aviez passé par-dessus le barrage. Après, il y a toujours un passage vu que le pick-up est arrivé jusqu'ici. Je rappelle du coup qu'ils avaient dû faire quelques détours plus longs, c'est la raison pour laquelle ils étaient arrivés plus tard que vous, alors qu'ils étaient en véhicule autorisé. Mais donc, il existe des passages, mais en tout cas, pas directement vers là d'où vient la horde. D'accord. Non, mais c'est juste pour être sûr, parce que comme on n'enchaîne pas les sessions toutes les semaines, j'avais pas tous les détails en tête. Mais du coup, ouais, vu que tout est... Vu que normalement, ça, c'est sécurisé, je propose juste qu'on fonce et qu'on court jusqu'à rejoindre le groupe... Et voir comment on peut les aider, quoi. Parce que là, quand on les a laissés, c'était vraiment la merde. Ok. Du coup, vous traversez les ruelles, les uns après, ensemble, et vous arrivez de nouveau sur la grande rue, l'espèce de grande place qu'il y avait, qui faisait un peu le tour de l'hôpital. Donc celle que vous étiez en train de voir depuis les toits, celle où la scène chaotique se déroulait. Et vous arrivez pour voir justement... Alexios tenant à peine debout, Francis et Misha, tous les deux morts au sol, et tout le monde autour clairement choqué, incapable de trop savoir quoi faire. Mmh. C'est un peu compliqué d'arriver dans ce contexte-là. Moi, je mange juste un vague. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Qu'est-ce que... J'ai un Walker personnellement. Là, moi, je regarde tout de suite, après que Cinda ait posé sa question, s'il y a une menace directe par rapport à eux et nous, hein, parce que moi, personnellement, je veux protéger Kali de toute façon, donc c'est ma priorité numéro 1. Donc, est-ce que je vois qu'il faut se barrer au plus vite, quitte à les arracher tous, on se barre? Ouais, je vais te demander quand même un petit jet. Allez, fais-moi un petit jet d'attention pour les alentours. Pour voir ce qui se passe. Sait-on jamais. Ouais, c'est un peu chaos chez moi. Hein. Je suis à. Alors attends, du coup, 79. Voilà. Ça répond à ta question. Et d'attention, je suis en moyen. Donc. Ok. Je m'en rends pas trop content. Tu regardes autour de toi et en effet, la situation vraiment, l'espèce de course que vous avez dû avoir jusqu'ici, la situation de l'escalier, la situation de la mort de Dwayne, malheureusement, dont tu as été presque témoin vu que c'était dans l'obscurité. Et maintenant, cette scène sur laquelle vous arrivez, tu essayes de trouver. Un danger ou une indication de sécurité, quoi que ce soit, mais tu es trop chamboulé. Ce qui fait que tu restes en état d'alerte un peu dans le vent, pour ainsi dire. D'accord. Voilà. Pendant ce temps, du coup, Peter, donc le boucher, qui lui, depuis que cet entrelac de gens s'est défait, a déjà commencé à remonter à l'arrière du pick-up, commence un peu à vous agiter par la parole en vous disant mais vite remontez, il faut qu'on parte. Ce que fait d'ailleurs Cillian, donc le pizzaiolo, tendant la main à son compagnon Bob le plus vieux, et Adam lui, donc le second plus vieux du groupe, s'avance vers Alexios et du coup le soutient avec son bras, lui, vu que Alexios est quand même dans un état pas parfait, et si l'adrénaline ne tient debout, elle peut s'arrêter à tout moment. Voilà. Maintenant, à vous de me dire ce que vous... Sachant qu'on rentre pas tous dans le pick-up, parce que c'est une des premières problématiques qui fait qu'on s'est séparé en deux groupes. Donc il va falloir refaire pareil. Il va falloir les laisser partir et que nous, on les rejoigne à pied. Ah non, parce qu'il y a déjà deux personnes qui sont plus là. Ouais, mais bon, ça fait qu'on rajoute deux places, mais du coup, ça fait que tu divises notre groupe qui se retrouve plus faible, donc. Ouais. Pas très intéressant, quoi. Du coup, moi, je me tourne en fait avec les gens avec qui j'étais, donc Ed, Driver principalement. Et je leur dis, voilà, que nous, s'ils sont toujours chauds physiquement, si certains sont fatigués, qu'ils aillent dans le pick-up, et sinon qu'on reste unis et qu'on atteigne l'hôpital ensemble. Restons unis. Ok. Du coup, maintenant que vous décidez donc de progresser de manière unie votre petit groupe et bref, du mieux que vous pouvez. C'est le moment où, dans cette espèce de nouveau silence qui s'est installé, depuis que le moteur s'est calmé, vous commencez à entendre, non pas le silence, non pas le bruit des flammes, et non pas le bruit d'une horde au loin, mais le bruit d'un autre moteur. En effet, vous remarquez au coin d'une rue la fameuse petite Twingo qui vous avait prévenu du danger, qui réapparaît. Peut-être que c'est exactement celle-ci ou une autre. Il faut dire que vous n'avez pas vraiment trop retenu la couleur de cette Twingo vu la situation qu'il y avait. Mais en tout cas, elle arrive et elle avance vers vous à un rythme pas pressé, disons que presque comme si elle respectait encore le code de la route. J'essaie de voir à travers la vitre si on voit la silhouette d'une ou plusieurs personnes et si oui, à quoi est-ce qu'il ou elle ressemble. Je vais te demander un jet d'attention, tandis que à cette vue, qui se révèle donc à vous, à tout votre groupe, Jade, qui est restée au volant du véhicule, avec donc les vitres ouvertes, commence à dire « c'est peut-être l'embuscade, c'est peut-être l'embuscade ». Est-ce que nous on est assez près pour le voir ou enfin on est encore à côté du véhicule ou pas? Ou on s'est barré? Non, vous voyez, vous, là vous venez juste de prendre votre décision, vous ne vous êtes pas encore séparé de tout le monde. Ah merde, ça aurait été bien de faire partir. Pour ce qui est de toi, driver, du coup tu regardes par la vitre, enfin à travers la vitre du véhicule pour voir si tu vois quelque chose, si tu vois quelqu'un. Et tu remarques qu'en effet, dans cette Twingo, il y a l'air d'avoir deux, peut-être trois, quatre personnes entassées. Et tu sembles aussi voir qu'au moins une de ces personnes semble tenir, presque levée vers le haut, dans une position assez guerrière, une arme à feu, et même une arme à feu qui doit être sûrement assez imposante, parce que ça a l'air d'être de l'ordre d'une Kalachnikov ou de ce genre de fusil mitrailleur. Il faudrait qu'on se mette à couvert. Non mais attends, dès qu'elle dit ça, moi je répète et je cours. Même je... Si s'il y a une poubelle, une ruelle dans laquelle on pourrait aller se cacher derrière la carcasse d'une bagnole ou quoi, il faut vite se planquer. On repart et exactement. Enfin, moi je suis déjà... Au loin, on voit la lumière qui se réfléchit sur une espèce d'arme à feu. Ils vont nous tirer dessus comme des lapins. Moi perso, je au pire, je dis à Kali de suivre Cinda et Driver, mais je reste un peu convaincu que voilà, ils ne sont pas sauvés pour nous tuer juste derrière. Du coup, je vais à leur rencontre. Ok. Du coup, vous commencez à vous éparpiller, en tout cas votre groupe à vous, le groupe des éclaireurs, commence à s'éparpiller un peu pour aller se mettre à couvert. Mis à part toi, du coup, Ed, qui décide d'aller plus à la rencontre de ces individus. Et pour ce qui est du véhicule, Jade n'attend pas qu'on lui donne des ordres ou quoi que ce soit. Remarquant que vous éparpillez, elle prend ça aussi comme un ordre de foutre le camp. Et quitte les lieux en véhicule, emportant donc avec elle... Cillian, le pizzaiolo, Peter, donc le boucher, et Adam, qui était monté à l'arrière aussi et qui était prêt à récupérer Alexios pour le faire monter avec lui. Malheureusement, Jade n'a même pas attendu ça et a foutu le camp. Vous vous retrouvez donc, je vous fais un petit listing. Cinda, Ed, Driver, Kali, les frères Place, Alexios, Bob, le plus vieux du groupe, et Eric, donc le plus jeune du groupe, lui, mis à part Kali. Voilà. Tout ce petit monde s'éparpille, mis à part Ed, et je vais demander Je vais vous demander chacun quelle est votre manière de vous mettre à couvert. C'est-à-dire qu'est-ce que vous seulement vous cachez vraiment complètement? Est-ce que vous vous cachez de manière à avoir une vue sur la scène? Est-ce que vous vous cachez de manière à pouvoir attaquer si nécessaire? Moi personnellement, je me mets vraiment à couvert derrière la carcasse d'une bagnole. J'essaie de garder un petit endroit pour pouvoir regarder soit une vitre cassée par laquelle je peux glisser ma tête, soit même le reflet dans un rétro, ce serait le mieux. Donc pas l'idée de contre-attaquer, mais seulement ouais, de pouvoir checker et éviter un tir, enfin une rafale de balles au cas où. J'ai pas confiance en eux. Moi je suis prêt à défendre Ed au besoin. Mm-hmm. Moi je mets juste à côté de Driver. Parce que je peux rien faire. Putain, j'ai Kali et lui à côté de moi quoi, franchement, laissez-moi agir. Je vais essayer de marcher, je vais renverser l'un des deux. Vous pouvez partir du principe. Vous pouvez partir du principe que les autres membres du groupe, mis à part peut-être les Place, aussi vont dans l'idée de rester entièrement cachés. Les Place, eux, sont sûrement prêts aussi à rentrer dans l'action si nécessaire. Tout en restant cachés. Je file mon flingue, bien évidemment, à Driver. Parce que moi, je suis pas apte à tirer. J'ai dû avoir une balle perdue sur quelqu'un. Du coup, dans ce petit moment de flottement, où chacun attend ce qui va se passer, où le véhicule s'arrête lentement face à toi, Ed, c'est le moment où l'adrénaline de tout le monde, de nouveau, recommence à tomber. Elle était remontée soudainement avec ce qui vient de se passer. Et elle retombe. C'est un peu comme une triste épiphanie qui se fait à vous, car maintenant, en effet, vous avez la réalisation totale, et ces situations l'appuient encore plus, que vous n'avez plus de forteresse, vous n'avez plus d'abri. Cet abri qui, pour certains, était celui que vous aviez depuis quasiment le tout début de cet apocalypse, pour ainsi dire. Pour d'autres, vous l'aviez depuis minimum une semaine. Ce n'est pas rien, une semaine de nos jours. Et maintenant, vous êtes nu et vous êtes face à sûrement, possiblement, un nouveau danger. Il semblerait qu'une fois qu'on sort des murs, ceux-ci s'enchaînent. Et c'est au moment de cette épiphanie que la portière droite, gauche parce qu'on est aux États-Unis, du véhicule s'ouvre et vous voyez sortir, et surtout toi, Ed, tu vois sortir donc le même homme barbu qui vous avait prévenu, sortant. Si ce n'est que, plutôt que d'être habillé de manière normale, pour ainsi dire, normale de nos jours, il est ici habillé d'une manière assez insolite. Il est habillé de draps. Pas des draps entièrement amples, mais c'est-à-dire des couches et des couches et des couches de draps et de couvertures qui ont été scotchées avec du scotch, des ceintures et ainsi de suite, lui faisant une certaine sorte d'armure matelassée sur tout le corps. Dans sa main, il se trouve qu'il a un balai. Un balai dont le bout, lui aussi, est enchevêtré dans ces espèces de grosses couvertures. Ce qui lui confère une espèce de fourche en couverture. Il sort et il s'immobilise immédiatement en te regardant droit dans les yeux. Et il t'adresse immédiatement la parole. Il n'y a que vous qui vous en êtes sorti ? Ah, si vous entendez par moi tout seul, non, puisque mes amis sont disséminés un peu partout. Ils sont assez choqués de ce qui se passe et pour être honnête, ils n'ont confiance en personne. Personnellement, le fait que vous soyez venu nous voir pour nous avertir me fait penser que je peux avoir confiance en vous. C'est pour ça que je me tiens devant vous en ce moment même. Vous avez eu des pertes ? Hélas, oui. Je ne serais comme ça, pour ainsi dire, nous en avons deux, voire trois, si on compte que l'un d'eux est mort par ma faute. Désolé de l'apprendre. Ouais. Vous avez des blessés ? Nous avons un blessé. Un blessé, ouais, qui a été bien touché, mais pas par la horde. Il résulte de blessures qui se sont passées avant, au moment où vous êtes venu nous voir. Oui. La fameuse fusillade qui nous C'est a ça. Attiré vers vous. Voilà. Écoutez, si je suis là à présent, c'est tout simplement parce que j'aimerais vous faire une offre, parce que je me sens responsable, moi, en partie, de ce qui vous arrive maintenant. Ce n'est pas le moment de discuter de pourquoi ou quoi que ce soit, mais j'aimerais au moins que vous ayez, au moins pour aujourd'hui, un abri dans lequel vous reposez, le temps de décider ce que vous faites à l'avenir. Ce serait avec plaisir. Je pense que nous en avons tous besoin. Maintenant, libre à vous de me faire confiance ou pas, mais je vais retourner dans mon véhicule et vous n'aurez qu'à nous suivre si vous avez un véhicule ou à pied. On ira assez lentement. Je sors de ma cachette dans le but de rejoindre comme si rien n'était, mais surtout de jeter la voiture, voir si les indications de driver s'avèrent justes ou si... ou sinon, voilà, s'ils sont deux autres, dont un homme qui tient une calache, ça changera mon discours. Ok, eh bien, je vais te demander un jet, et bientôt aussi, du coup, attention. C'est quoi ces jeux de rôle où on fait des jets hein? C'est incroyable, hein. Je comprends pas votre truc. Ok, j'ai combien? Attention, ou très mauvais, ou je sais pas si ça a passé ça. Bon, tant pis. Tu vas les tuer. Moi, j'ai fait 96, mais vu que j'étais bon, je sais passé, donc... On a ça. Ok, ah oui, d'accord. Ouais, tu vois, je suis... Tu regardes et... il semblerait que, bien... pour une raison ou une autre, sûrement un reflet du soleil, le véhicule n'est pas bien placé, ce qui fait du coup qu'il y a une espèce de reflet blanc sur les vitres. Et comme personne d'autre ne semble sortir du véhicule, ça n'aide pas. Tu es incapable de dire même combien ils sont encore à l'intérieur et s'ils sont armés ou quoi que ce soit. Tu ne vois vraiment que du blanc. Pour ça. Moi, je commence à appeler Kali. Je lui demande de venir. Son cahier est avec moi, donc je pense que... Ouais, non, mais en fait, je me dis qu'à partir du moment où Kali va venir, vous viendrez, parce que si je l'expose, c'est que pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais. Et ok. Bah du coup, je me positionne à côté de Ed et sans rien dire, tu vois, genre juste ma présence est réactée que je suis de son côté, quoi. Je demande à Driver si elle peut m'aider à me lever. T'es un handicapé. Okay. Bien, du coup, vous sortez tous de vos abris et vous vous présentez donc. À cet homme qui du coup vous fait signe de tête à chacun hein, vous saluant à nouveau et il dit vous avez un véhicule? On en a un, il devrait revenir assez rapidement. On peut pas tous rentrer dedans mais on va se débrouiller. Vous voulez? Je pense pas qu'on ait spécialement de l'attendre immédiatement. Si vous voulez, je renverrai quelqu'un à les récupérer, mais il faudrait qu'on se mette en marche rapidement. Je pense qu'on va y aller, on a assez attendu jusqu'à présent. Et Bah, pas de soucis, la question c'est juste que si vous êtes en véhicule et nous à pied, il va falloir rouler ou pas. Ce n'est pas un problème. Un problème. De toute manière, c'est une habitude. Un petit conseil pour l'avenir. Ces choses... sont très attirés par le bruit, comme vous l'aurez sûrement remarqué. Ainsi donc, quand vous avez un véhicule et que vous avancez en ville, le mieux est toujours de faire le moins de bruit possible. Effectivement. Allons-y. Moi, je, évidemment, je sors de la cache et je les rejoins. Voilà. Du coup, il rentre dans le véhicule, ferme la portière, ne semble pas vous faire signe pour certains s'ils peuvent de rentrer à l'intérieur. A priori, il n'y a pas de place à l'intérieur. Et se met directement en marche, faisant un demi-tour et vous invitant par la vitre à les suivre. Ok. Eh bien, on les suit. Moi, j'aide Alexios à marcher. Je pense que je suis pas la seule, mais je me dis qu'à deux, ça sera plus simple pour lui qu'une seule personne qui l'aide. Ok. Du coup, vous vous mettez à deux pour soutenir Alexios et vous vous mettez en marche. Avançant dans cette longue procession, après la perte de votre pays et de votre forteresse, ce qui ne manque pas d'ailleurs sûrement de vous rappeler quelques passages bibliques de tout un peuple traversant le désert suivant un barbu. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Avec son bâton dans les mains. Ouais. Peut-être même fendra-t-il une mer en deux avant d'arriver au, à votre destination. Et vous le suivez, et vous le suivez. À plusieurs moments, le véhicule s'arrêtera et ce barbu mystérieux redescendra, histoire sûrement de vous réassurer de votre sécurité, de vous indiquer que vous n'êtes pas encore très loin de là où il vous amène. Et qu'on n'est pas seul. Des réassurances qui, au bout de la deuxième, de la troisième fois, peut-être donner quelques doutes à certains. Il faut dire que réassurer encore et encore, ça a peut-être l'effet inverse de ce qui est souhaité. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Au bout d'une certaine marche, qui vous semble durer assez longtemps, parce qu'il faut dire que vous êtes assez ralenti par Alexios. D'ailleurs, pour dire, Driver, en jetant des coups d'œil à Alexios de temps en temps pendant ta marche, tu peux remarquer en effet que, bon, peu importe ce que Misha, avec ton aide, avait fait pour le remettre un peu sur pied immédiatement après la fusillade, il semblerait que toute cette action, toutes ces choses n'aient pas aidé et sûrement réouvert, pour ainsi dire, certaines de ses blessures. Il faudra donc sûrement les retraiter une fois que vous serez posé. Ok. J'avoue que ça me fait un peu stresser. Ok. Du coup... Au bout d'un certain temps, je disais, d'une assez longue marche, qu'a vécue de manière assez longue, vous arrivez, finalement, dans une des parties les plus à l'est de la ville de Miami. Et vous voyez même directement la plage au loin, la mer, l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, ouais. Et vous arrivez en face de, je vais vous l'envoyer, en face de, alors je vais essayer de vous le faire à l'anglais, du Jaurès Mr. Perez Art Museum of Miami. Cool, un musée. Un musée d'art qui... à la particularité, vous pouvez le voir sur l'image que je vous ai partagée, d'avoir un parking en dessous du bâtiment et tout autour du bâtiment un espèce de trou du coup qui laisse voir le parking, ce qui crée assez incroyablement des douves naturelles entre guillemets pour ce bâtiment. Les parties où il n'y en a pas étant bloquées par des véhicules et ce genre de choses. Trop classe, une forteresse. Je trouve que c'est très ingénieux. Ah oui. C'est digne du Moyen Âge. C'est quand même l'endroit parfait pour survivre à l'apocalypse. Ça s'appelle comment ? Le Kingdom ? La... La petite Twingo se gare directement dans le barrage de véhicules en lui-même, s'intégrant parfaitement dans un trou qu'il y avait. Et les personnes à l'intérieur, qui sont au nombre de 3, sortent. C'est-à-dire donc le barbu, suivi de 2 personnes assez banales physiquement, 2 hommes caucasiens, de taille assez basique. Je ne vous enverrai pas d'image pour le moment, en tout cas, parce que ça n'a pas d'intérêt actuellement. Il sort, et donc cet homme se rapproche de nouveau de vous. Il se rapproche instinctivement, plus directement, de Ed, qui s'est, à 2 reprises, présenté un peu comme l'interlocuteur du groupe. Et il tend sa main vers toi, directement, Ed, a priori vraiment dans la volonté d'établir un contact physique à présent. Et je lui tends ma main. Et il te serre résolument la main, en disant simplement « Je me représente au cas où vous ne vous en souvenez pas, avec tout ce qui s'est passé. Je suis Raznov. Je suis... J'étais un des gardiens du musée. » Écoutez, je me présente également, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Je suis Ed. Ouais, je me présente aussi, je pense que le groupe va se présenter, quoi. Ashley, mais vous pouvez m'appeler Driver. Je suis Alexius. Alexius. Voilà, Kali. Tout le monde se présente, et justement, quand toi, Alexius, tu te présentes, tu vois que il a un espèce de petit, je sais pas comment dire, un petit soubresaut au niveau du regard, comme s'il se rappelait qu'il y avait des blessés et qu'il l'avait un peu oublié. Et il fait « Oui, ne durons pas trop longtemps. Nous allons rentrer et on va vous laisser vous occuper de votre compagnon. Suivez-moi. » Merci. Et vous le suivez donc, passant entre quelques véhicules, des moments où il faut soulever quelques débris, ceux dont s'occupent les 2 compagnons du dénommé Raznov, vous laissant passer et passant directement par les grandes portes du musée. Et rentrant à l'intérieur, la première chose dont vous vous rendez compte, c'est que le groupe qui vit à l'intérieur de ce musée est aussi grand, voire peut-être même un peu plus, que celui que vous aviez initialement. Il y a des visages différents, des ethnies différentes, des genres différents, mais pour l'instant, vous n'êtes pas spécialement dans l'idée de scruter leurs visages et d'apprendre à les connaître. Vous avancez juste, peut-être même le regard un peu baissé, après tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des médecins? Un petit blouse blanche. Ouais, dis-moi exactement quel genre de signe tu cherches, seulement des blouses blanches ou d'autres... Blouse blanche, quelqu'un qui aurait une trousse de médecine sur lui ou qui appliquerait des soins à n'importe qui. Ok, je vais te demander un jet d'attention. Discuterait du fait qu'il soit médecin, on sait jamais. Ouais, quelqu'un qui dit heureusement que je suis médecin. Vous en faites pas, je suis médecin. Et je fais 5 ans d'études en médecine. Genre, alors que médecin, un test, un jet d'attention. Les autres, que quelqu'un te dit, t'es fait médecin. Les autres, n'hésitez pas à en profiter pour me donner vos retours ou des indications sur ce que vous voulez faire. 81, et je suis toujours bonne. Okay. Moi, je cherche quelque chose où je peux m'asseoir, voire m'allonger parce que je. Ok. Moi, je regarde s'il y a des enfants. Bonne question. Ok. Cinda, quelque chose à dire? Personnellement, je suis occupé à accompagner Alexios jusqu'à temps qu'il ait un petit moment de repos. Donc, je m'intéresse pour l'instant plus à lui qu'au groupe et je fais confiance au reste pour veiller à ce que ça se passe bien. Ok, très bien. Donc tu restes assez attentif à ce qui se passe autour, sait-on jamais. Pour répondre à ta question directement, Ed, parce que des enfants se trouvent plus facilement que des docteurs, eh bien, tu peux remarquer que s'il n'y a pas d'enfants visibles immédiatement, après tout, il y a plusieurs pièces dans ce musée, tu sembles remarquer des signes qui indiqueraient qu'en effet, il y a des enfants. Il y a par exemple un mur qui a directement été dessiné à même le mur, avec des craies, avec des dessins clairement enfantins. et tu remarques dans ce même coin au sol quelques espèces de petits jouets dans différents états. Ok. Je suis rassuré. Ça me rassure. Pour ce qui est de toi, Alexios, tu trouves rapidement une espèce de table ou de présentoir, pour mieux dire, sur lequel il y avait sûrement, à un moment ou à un autre, avant, une espèce d'œuvre, une espèce de petite statue ou quelque chose, sûrement une espèce d'œuvre moderne, vu que ça a l'air d'être le style du musée, les œuvres modernes. Et tu t'installes, parce que tout simplement, ça fait office d'une zone plate et assez large pour t'accueillir. Je vous remercie en tout cas, Senda, qui m'aide tout ça, avec ce que je peux, bien évidemment. Je tousse toujours, parce que les plaies se sont ouvertes, et je m'allonge. Ok, tu t'allonges, tandis que, Driver, tu regardes autour de toi, et tu remarques que s'il y a des médecins, ils ont depuis longtemps troqué leur blouse blanche pour des habits communs, et ils ne semblent pas avoir de discours indiquant qu'ils le sont. Donc, mystère. Ok, parfait. Très bien. Du coup... On est toujours avec, l'autre, le vieux avec la barbe. Krasnov est toujours avec vous, en effet. Ouais, avec un nom que j'arriverai pas à prononcer. Du coup, je lui demande clairement, est-ce que vous avez des médecins? Tu vois qui... il ne réfléchit même pas un seul instant et il te dit « Non, malheureusement, non. Mmh. » Yes. Vous en avez ? Je suis le dernier. Très bien, très bien. Je suis médecin. Parce que je suis une légende. Vous avez de... Vous avez... À défaut d'avoir un médecin, est-ce que vous avez de quoi soigner ? Nous avons de quoi soigner, en effet. Nous étions déjà passés dans le quartier que vous aviez visité. Donc nous avons de l'équipement, en effet. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de décider si je vous donne accès ou pas. Permettez-moi juste de pouvoir peut-être proposer quelque chose, à savoir que vous avez de quoi soigner et nous avons une personne qui peut soigner. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis et que, en échange de ce que vous avez, eh bien peut-être Driver peut peut-être s'occuper de ceux qui en auraient besoin chez vous. Enfin, je regarde Driver quand je dis ça. Hein, je lui impose pas Driver. Oui, bien sûr. Tu vois qu'il te regarde droit dans les yeux, Ed, avec un regard assez pesant. En effet, tu vois que son visage est assez inexpressif en réalité. Il est toujours dans cette espèce d'air assez circonspect. Le seul moment où tu l'as vu sourire, c'est le moment où il t'a serré la main. Et mis après ça, son visage est directement devenu complètement... complètement poker face, fermé. Quoi. Okay. C'est ça. Et il pose de nouveau, son regard sur toi. Il pose de nouveau son regard sur toi. Driver aussi a l'air de te juger, comme s'il pouvait mesurer ton niveau en médecine avec des yeux bioniques secrets. Et tu vois qu'il te regarde longuement, d'un air presque plus circonspect qu'habituellement. Et il se tourne de nouveau vers toi, Ed, et il dit « Vous essayez de m'avoir. » Non, je pense que en ces temps difficiles, il faut pouvoir s'entraider. Vous savez, c'était peut-être pas le moment de marchander. Vous pourriez peut-être juste rester tranquille, n'est-ce pas ? Ah bah, si vous voulez, après je ne fais que proposer. Je plaisante. Ah. Allez-y. C'est ainsi que Ed le tabasse avec une batte. Non, je vais éviter. Installez-vous, je vais aller vous chercher au moins un minimum de quelque chose et pour le reste, je vais aller voir avec les miens. D'accord, merci beaucoup. Ainsi, vous vous installez tous autour de l'espèce de table que Alexios a choisi comme promontoire. Et rapidement, Razneuf revient, vous apportant quelques petits bandages, quelques petits équipements. Pas de médicaments ou quoi que ce soit, cependant, et c'est assez normal parce que c'est une denrée assez rare et assez précieuse. Et il vous répète à nouveau que pour le reste, il doit d'abord aller en parler avec les autres. Et sur ce, il quitte directement la pièce et vous vous rendez compte que vous êtes à présent seul dans la pièce, si ce n'est pour les deux accompagnants de Razneuf qui restent ici à côté. Dites-moi, j'ai cru voir qu'il y avait des dessins d'enfants, des jeux. Vous avez également des enfants dans cette colonie? Tu vois que du coup, tu poses la question au moment où Razneuf du coup est en train de quitter la pièce pour aller voir les pour aller poser la question aux siens. Il se retourne vers toi et dit oui, on a quelques enfants. Ça vous dérange pas si Kali puisse les rejoindre un petit peu? Je pense que ça lui ferait du bien de jouer et de retrouver des enfants de son âge, si c'est le cas. Ça dépend. Elle mord? Non. Oui, allez. Viens avec moi, petite, je vais t'y amener. Tu vois que Kali, du coup, te regarde directement en attendant sûrement de ton approbation. Tu peux y aller. Et du coup, suit Razneuf hors de la pièce. D'un air un peu, quand même, un peu hésitant, elle le connaît pas, elle est un peu craintive, mais elle le suit quand même. Elle fait confiance à ton jugement. Et elle quitte la pièce avec lui, vous laissant donc seul avec les deux autres personnes, qui semblent faire office un peu de garde. Après tout, sait-on jamais, ils ne vous connaissent pas. Et du coup, je vous demandais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux que attendre. Essayer peut-être faire un tour. Enfin, dans la limite du possible, je veux pas m'imposer. Je veux pas être trop à vouloir aller par où je veux, hein, mais j'essaie de rester dans le secteur. Et puis, c'est peut-être si je peux parler avec quelques personnes rapidement, s'il y en a, et puis voilà. Du coup, Ed, toi, tu décides d'aller directement vers l'approche sociale, et donc tu quittes la pièce dans laquelle on vous a un peu mis de côté pour que vous soyez à l'aise, et tu fais un peu le tour pour voir si tu peux croiser des gens et parler. Les autres, est-ce que vous sortez aussi ou est-ce que vous restez avec le pauvre Alexios qui est toujours en difficulté pour se déplacer? On va lui donner un coup de main quand même. Surtout vu qu'on a eu quelques bandages et quelques, moi je changerais bien ses pansements, mais ses soins. Ok. Je lui demande comment il va, comment il se sent, etc. Bon, ça risque de faire un peu mal, mais on va essayer de désinfecter tout ça. Ok. Je suis un peu fatigué. Très bien. T'as pas une agrafeuse pour faire ses plaies? Mais que rien, hein. Avec un peu de tétanos en même temps. Tu fous de l'alcool à 90 et clac, clac, clac, c'est bon, c'est nickel. D'ailleurs, tu devrais en boire un peu avant l'opération. Il paraît que ça aide. Vous vous mettez un peu au boulot. Alexia, je vais te demander un petit jet, on va dire, de c'est pas vraiment de constitution pour voir où est-ce que tu en es de ta situation, tandis que pour toi, Ashley, je vais te demander du coup un jet de connaissance pour du coup comment tu te débrouilles pour le remettre du mieux que tu peux sur pied. Sur quoi? Constitution. Ah, bah j'ai moyen. Ok. Je te le marque. Tout de suite. Moyens. Ok. Du coup, Alexios, tu tiens assez bien le coup au final. Tu vois que le plus mauvais de la situation est passé. Ou peut-être que si tu ne perds plus de sang, c'est parce que tu n'en as plus à perdre. Ça, c'est peut-être une autre possibilité. Mais t'as pas l'impression de continuer à te vider. Et de ton côté, du coup, Driver, tu fais du mieux que tu peux. T'essayes de raccrocher les plaies qui ont l'air d'avoir été trop ouvertes, qui ont été trop approfondies par cette aventure. Et tu fais un peu des bandages du mieux que tu peux. Donc. Du coup, vous restez sur place. Pour ce qui est de ceux qui vous accompagnent, c'est-à-dire... Alors attendez, parce qu'il faut que je me note aussi qui n'est pas là, parce que j'ai pas noté. C'est-à-dire... Hop. C'est-à-dire Bob, Eric, et les frères Place, eux restent aussi dans la pièce. Ils semblent simplement attendre que quelque chose se passe ou que qu'Alexios se rétablisse. Le silence est assez pesant, même au sein d'entre vous. Pour ce qui est de toi, Ed, du coup, tu t'aventures un peu dans les couloirs du musée, et tu arrives du coup dans la pièce quasiment d'à côté. Tu arrives dans ce qui semble avoir été organisé comme les la réserve / cuisine des lieux. Tu trouves trois femmes qui sont tout simplement, a priori, en train de préparer quelque chose. Il faut dire que c'est vrai, vous avez peut-être un peu perdu la notion du temps avec ce qui s'est passé. Et l'indication qu'ils sont en train de préparer quelque chose vous indique en tout cas que vous n'êtes pas loin d'un repas, sûrement midi peut-être, ou peut-être le repas du soir. Vous savez plus trop où vous en êtes. Ouais. Du coup, je m'approche d'elle de façon très cool, quoi. Enfin, excusez-moi. J'espère que je vous dérange pas. Je vois qu'une des femmes, une femme qui a l'air d'avoir la cinquantaine, quelque chose comme ça, avec les cheveux un peu grisonnants tout de même, mais d'origine vraiment brune, se lève la tête vers toi tout simplement avec un sourire qui est sûrement plein de bienveillance. Et tu vois que justement, après ce sourire de bienveillance, il s'efface un peu, se rendant sûrement compte qu'elle ne te connaît pas. Mais elle dit... excusez-moi. Je dis, j'espère que je ne vous dérange pas. Je viens d'arriver avec un groupe. C'est Raznov qui nous a accueillis. On a été attaqué par... pas une horde et Ah vous, oui, des nouveaux arrivants encore. Ouais, c'est ça. Et je me demandais quand c'est qu'il en attraperait d'autres. Et c'est pour ça que je fais un peu le tour pour essayer de peut-être faire connaissance avec les gens. Je me présente, je m'appelle Nathalie. Et ça fait longtemps que vous êtes dans cette colonie ? Oh, moi oui, ça doit faire quasiment depuis le début, peut-être quelques jours après le début. Et ici, vous avez Élise et une autre Nathalie, qui eux sont là depuis 2-3 semaines peut-être. D'accord, et... Les deux autres, du coup, approuvent, disant « Oui, 2 semaines. » Et ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouveaux comme nous ? Ça fait un petit moment maintenant. C'est vrai que ceux qui s'occupent de sortir à l'extérieur nous disaient qu'a priori, il avait l'air de rester plus personne en vie. Tout le monde nous avait soit déjà rejoint, soit avait quitté les lieux. Sûrement pour migrer ailleurs. D'accord. Bah écoutez, voilà, nous sommes là maintenant. Je ne sais pas si nous pourrons rester avec vous ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir se dire que ce soir, nous pourrons au moins dormir avec un toit et une protection. Ah oui, ça fait toujours plaisir quand ça arrive. Écoutez, en tout cas... Oui. Vous êtes nombreux ? On m'a pas mis au courant, mais si je veux préparer quelque chose qui soit... Enfin, que vous ne pouvez pas sans rien. Nous sommes... Alors, je sais pas le compte exact si tu l'as, mais... au moins une dizaine. Enfin, en sachant que... 9, mais est-ce que, du coup, les autres sont pas arrivés ? Mais ceux qui sont partis ? Je les avais pas vus, en tout cas. Ok. Donc là, on est 9, là, maintenant. Là maintenant ? Enfin oui, on est dans, enfin, avec Raznov, on est neuf ou on est moins. Il faut que j'enlève ceux qui sont partis en bagnole. Là, les neuf que je t'ai donné, c'est ceux qui sont présents sur place. Ah voilà, donc on est neuf sur place. D'accord. Eh bien, nous sommes neuf, dont une petite Kali qui est avec moi. Vous allez nous revenir cher, dis donc. Écoutez, nous J'espère sommes plutôt débrouillards et je pense que je peux aider en bombant un peu le. Je pense que je peux être serviable. Et vous êtes le seul à être utile dans votre groupe ou vous en avez d'autres ? Oh non, nous avons plein de savoir-faire dans différentes branches, on va dire. Dont un docteur. Et je pense que c'est le bienvenu. C'est une bonne nouvelle, en effet. Vous voulez bien aller voir... aller voir Patrick, pour moi, de ma part ? Et lui parler justement de vos talents. Il trouvera sûrement des choses à faire. Eh bien, pourquoi pas ? Où est ce Patrick ? Actuellement, je sais pas vraiment, mais vous le trouvez rapidement. Il a une grosse moustache, et même le seul à avoir une moustache aussi ridicule. Je fais un sourire amusé et je dis, écoutez, je vais essayer de trouver ce Patrick. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Moi, je m'appelle Ed, au fait. Mon nom, c'est Ed. Oui. On n'a plus l'habitude de demander les noms à présent. Ouais. Donc, bah, je pars à la recherche de Patrick. Très bien. Mais du coup, tu pars à la recherche de Patrick. Pendant ce temps, les autres, j'aimerais savoir si y a des discussions qui se lancent, si vous décidez de faire quelque chose en particulier. Si la situation avec Alexios se stabilise, hein, vu que personnellement c'était ça qui me prenait sous occupation jusqu'à présent, ouais, je vais peut-être commencer à aller faire un tour, tout ça. Ok. Du coup, bah tu décides un peu de t'écarter un peu du groupe et de commencer à faire un tour. A priori, personne ne te suit trop dans ce mouvement-là. Et tu vas commencer, toi aussi, à faire un tour. J'en profite. Plus que m'intéresser aux gens, c'est le lieu qui va m'intéresser. Je me dis, sait-on jamais, visiblement c'est un lieu qui a été en tout cas très bien utilisé pour survivre. Et je me dis que si jamais il y a un truc qui tourne mal, j'aimerais bien savoir où sont, par exemple, les sorties de secours, où est-ce qu'il peut avoir des portes, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait avoir un moyen de facile de s'en sortir, quoi. Genre, voilà, je suis vraiment gaffe au lieu à ce genre de détails, me dire que on sait jamais. Autant, jusqu'au dernier moment, quand même rester sur ses gardes, parce que on sait jamais. Même si je suis pas dans une paranoïa, mais... Pas la troisième fois, on sait jamais. Ok. Du coup, tu regardes un peu les alentours et tu vois que les lieux ont l'air vraiment d'avoir été arrangés pour être vraiment vivables. C'est-à-dire que il y a vraiment pas d'aspect qui serait un peu militaire ou un peu très survivaliste ou quoi que ce soit. Ça a l'air presque d'avoir été arrangé pour être le plus possible, parce que c'est un musée à la base, mais le plus possible un lieu de vie civile avec ce qu'il faut pour des gens normaux, dans des temps normaux. Voilà, et tu vois, à certains moments, tu vois des petites traces, en effet, toujours d'une présence enfantine, mais pas d'enfant pour le moment. À des moments, tu crois certaines personnes dans les couloirs qui n'ont pas l'air spécialement intéressées par te parler, ils traversent un peu le couloir... directement vers leurs objectifs. Et mis à part quelques regards échangés, ils ne te disent rien. Pour les autres, du coup, Alexios et Cinda, Alexios et Driver surtout, même s'il y a les autres survivants avec vous, est-ce que, bon, Driver, t'as fait un peu de ton mieux avec Alexios, pour l'instant, tant qu'on ne te donne pas plus d'équipement, t'es pas sûr de pouvoir aller plus loin, donc t'as un peu stoppé là le ton avancée. Est-ce que vous en profitez pour vous dire quelque chose ou... Merci Driver quand même. Oh de rien, je sais ce que je fais. Je vois bien. C'est dommage que tu sois pas devenu médecin à cause de cette apocalypse de merde. Ouais. En même temps, on se serait jamais rencontré. D'ailleurs, Melrose Place, donc je rappelle celui qui par le passé avait essayé de voler des médicaments ainsi de suite dans votre groupe quand vous étiez encore au Cadio Market, s'insère un peu aussi dans la discussion et il dit bon, c'est bien joli tout ça, l'incroyable rencontre dans les plus incroyables situations, mais qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi? On attend de voir qui ils sont. Parce qu'on est dans un musée, profiter de ce qu'il y a dans le... D'accord, mais... Et après, il faut qu'on ait une petite idée de ce qu'on fait. A priori, il nous a parlé que d'aujourd'hui. Et je suis pas... relancera les choses. Et je suis pas sûr de vouloir tenter l'aventure de me réintégrer dans un nouveau groupe. On les connaît pas. Si jamais on a besoin de dormir encore plus, je pourrais leur filer ma carte que je leur ai filée aux filles. Où il y a des emplacements de bouffe et tout ça. Dans la ville. Si on doit quitter la ville. Ouais. Si tu veux essayer de les acheter, je veux bien. De toute manière, c'est toujours. Ça peut toujours nous être utile, mais. On les connaît pas. Et t'étais le premier à dire qu'en ville, il y avait des. Comment tu les appelais déjà? Des milices, c'est ça? Ouais. Voilà, t'étais le premier à dire qu'il y en avait et. et on n'a croisé personne, mis à part eux. C'est peut-être eux, la milice. On verra bien s'ils nous abattent avant la soirée. Bon, j'aimerais éviter d'apprendre. T'es libre de tes choix, tu peux partir par la porte. Personne t'oblige à rester. Si tu veux le voir comme ça, très bien, je me tais. C'était juste pour discuter. C'était pas... Bref. Pour le moment, on peut avoir un toit jusqu'à ce qu'on puisse partir d'ici tranquillement. Et il y a des personnes qui se sont barrées avec notre bagage. Je te rappelle. Comment tu veux qu'on sorte de la ville sans bagage? Si on peut partir. Je sais pas si vous avez tous remarqué, mais il avait l'air assez intéressé par Driver et ses compétences. Oui, mais on fait pas partie de leur groupe. Qu'est-ce qu'on pense? Pendant ce temps... je vais te demander... Ou non, je vais même pas te demander. Ed, en continuant ton exploration des lieux, tu traverses une ou deux pièces dans lesquelles il y a l'air d'avoir des gens qui discutent ou des... Il y a même une des pièces que tu traverses qui est vide. Et tu arrives dans une nouvelle pièce dans laquelle... qui a l'air d'être sûrement une des pièces les plus inquiétantes, on va dire, des lieux. Parce que celle-ci n'est pas arrangée pour être un lieu de vie, contrairement aux autres. C'est une pièce qui donne directement sur une espèce de baie vitrée vers l'extérieur. Et dans cette pièce-là, il y a deux hommes armés qui regardent par les fenêtres, une des fenêtres d'ailleurs qui est entrouverte. Tu remarques que l'un d'entre eux, celui qui est le moins attentif à ce qui se passe à l'extérieur, est en train simplement de jouer avec une espèce de petite balle de ping-pong qui jette sur un mur et qui revient vers lui. Et celui-ci a une espèce de, en effet, de grosse moustache qui a l'air de venir d'avant la Première Guerre mondiale. Qui du coup est parfaitement concentré sur cette barbe, sur cette balle là. Du coup, bah, j'arrive tranquillement dans leur direction. Excusez-moi, c'est vous, Patrick? Je vois qu'il rattrape sa balle dans sa main, il tourne la tête vers toi et il fait « Oui, c'est moi. Je peux vous être utile ?» Bien, il faut croire que oui. Alors, je me présente, je m'appelle Ed. Je viens d'arriver avec un groupe. C'est Roznov qui nous a recueillis. Et nous étions pourchassés par la Horde. Nous vous. Oui, a priori. Une horde s'est formée en ville et elle nous est tombée dessus. Non, vous n'êtes pas au courant? Non, on peut pas. Enfin, non, j'étais pas au courant. Ça me surprend un peu. Il me semblait qu'on avait fait un certain ménage en ville, mais. Eh bien, je pense que peut-être avant nous. Changer les plans de façon involontaire, mais peut-être que Roznov sera plus à même de vous raconter tout ça. Quoi qu'il en soit, il nous a recueillis, moi et mes camarades, parmi vous. Et j'ai croisé madame, alors j'ai plus son nom, elle s'appelait quoi? Nathalie, qui m'a demandé de venir vous voir pour qu'on puisse peut-être discuter de nos capacités, de ce que notre groupe peut apporter au vôtre, en termes de compétences. Je vois, c'est bien ça, que vous vouliez vous rendre utile pour le temps que vous êtes là. Bah, je pense que c'est tout à fait normal. Vous nous accueillez. Il a fallu en discipliner certains. Je pense que c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Vous nous accueillez ici et nous devons nous rendre utiles et être serviables à l'ensemble de la colonie. Alors, à quoi vous pouvez nous être utile ? Est-ce que vous avez des talents dans votre groupe ? Eh bien, écoutez, pour ma part, je pense que vous voyez par vous-même. Enfin, du coup, je suis assez costaud, donc disons que pour certaines tâches, je pourrais me rendre utile s'il y a des choses lourdes à porter. De notre côté, nous avons aussi une femme qui, elle aussi, est assez sportive, assez utile, qui vous a utile pour ce genre de choses. Nous avons malheureusement une personne qui est blessée actuellement, mais qui est plutôt spécialisée dans le fait de trouver ou des choses intéressantes et de se déplacer dans des lieux un peu infestés. Nous avons un médecin, un docteur, enfin une docteur. Oui. Et sinon, nous avons. C'est Adam, c'est ça qui est avec nous, c'est ça ? Non, Adam n'est plus avec vous. Ah, Adam n'est plus avec nous. Ouais, mince. C'est le personnage que vous avez avec vous. Nous avons deux autres personnes qui pourraient tout à fait apporter leurs bras à l'ensemble de la colonie. Est-ce que vous avez des gens qui. Comment dire ça comme il faut, qui ont plus besoin d'aide qu'ils ne sont utiles? Alors là, j'essaie de me rappeler qui c'est qui est là. J'ai pas tout en tête. Vous avez donc Cinda, Ed, Driver, Kali, Place et Place, donc les deux Place. Ouais. Alexios, Bob, donc le vieux retraité. Ouais, donc Bob, ouais, ok. L'espèce de jeune adulte que vous avez qui jusqu'à présent ne s'est pas montré très sociable avec nous et qui ce n'est pas non plus montré très utile au groupe jusqu'à présent. D'accord. Mais effectivement, avec moi, j'ai une personne que je considère comme ma fille, qui est un enfant, donc forcément, elle ne sera pas d'une grande utilité. Et une personne un peu plus âgée qui, elle, apportera son expérience, son vécu, mais qui, pour certaines tâches, malheureusement, ne sera pas vraiment utile au reste de la colonie. Mais on peut dire que les années amènent de l'expérience peut être utile. Intéressant, très intéressant. Je vais aller chercher quelqu'un et je vais le ramener à votre groupe. Si vous voulez bien. Mmh. Vous pouvez retourner là-bas et j'arrive. Écoutez, je retourne là-bas et à tout à l'heure. Du coup. Je passe à Cinda. Cinda, que fais-tu dans ta progression dans ce bâtiment ? Bah écoute, je trouve pas d'infos intéressantes. Donc bon, je vais me résiler. Vous voyez là, en fait, ça m'énerve un peu cette situation où. Bah en fait, là, on a. C'est pas leur merci que je veux dire, mais en gros, c'est eux qui choisissent le rime, c'est eux qui nous font attendre et tu vois, genre. Tu vois. On va pas arriver. Enfin, Ed le fait, mais Cinda considère que tu vas pas arriver et aller te balader dans les trucs et parler à tous les gens qui passent, tu vois. Donc, il y a un peu une attente et en fait, ça en train d'énerver Cinda. Ça commence un peu à. Donc, je vais retourner voir Driver parce que, bah voilà, quand je suis énervé, c'est la personne avec qui j'ai envie d'être. Donc, je vais voir Driver et je vais un peu rester avec elle en attendant qu'il se passe un truc au niveau du groupe, quoi. Très bien. Sur ton retour, en passant par le même chemin que celui que tu avais pris, tu entends, au détour d'un couloir, sans trop voir non plus, mais tu entends des rires d'enfants. Et des bruits de course, a priori, il y a des enfants qui courent dans les couloirs, tu ne les as pas croisés jusqu'à présent, mais ils existent. Ce n'est pas, a priori, un stratagème monstrueux pour vous mettre en confiance et mieux vous dévorer. Donc, tu reviens sur place et tu te retrouves donc dans la pièce avec Driver, Alexios, les frères Place, Bob et Eric. Et vous êtes quasiment immédiatement retrouvés tout simplement par Ed, qui rejoint de nouveau la pièce aussi, après son aventure. Bon alors, vous avez vu quelque chose d'intéressant ? Non, c'est que des murs et des gens. T'as fait des rencontres intéressantes, toi ? Ouais, je pense, ouais. Disons que j'ai croisé un groupe de femmes qui faisaient à manger, dans ce qui est a priori dans leur cuisine, Nathalie. Qui s'est montré plutôt amical. Par la suite, elle m'a convié à rencontrer un certain Patrick. Patrick qui va nous rejoindre sous peu, que j'ai rencontré tout à l'heure. Et avec qui on a discuté des compétences de chacun d'entre nous pour être utile pour cette colonie. Alors, je me doute qu'on ne restera peut-être pas forcément... Oui, c'est ce qu'a dit Resnov. Normalement, c'est juste le temps que nous, on se... C'est ça, mais bon, si on peut se rendre utile pendant le temps qu'on est là, je pense que c'est la moindre des choses. Sachant que ils nous logent, ils nous accueillent ici, je pense que c'est à peu près normal. Tout à fait. Je suis pas contre, mais juste, faut quand même qu'on garde des ressources pour nous, quoi. C'est au moment où... Enfin, je dis ça juste, voilà, au moment où on devra partir, faudra pas qu'on soit tous crevés, parce qu'on a passé notre temps à les aider. C'est sûr, mais bon, je pense que... Je ne contredis pas le fait d'aider. Hein. Je dis juste de le faire à hauteur de gentillesse, mais de ne pas... Voilà, de quand même garder des ressources pour nous, parce qu'on n'est pas censé rester là sur le long terme. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il va venir par ici, je pense qu'on va tous pouvoir en discuter ensemble. Tu vois, Ed, tu te retournes et... En encadrure de la porte, peut-être depuis un petit moment, depuis peut-être non, se trouve Patrick. Ah, justement. Patrick. Accompagné d'une femme. Une femme blonde, a priori, qui a l'air d'avoir quelque chose comme. La trentaine. Et qui a l'air d'être enceinte. Pas qu'un peu enceinte, pour ainsi dire. Voilà. Ok. Et du coup, je me retourne vers les autres et j'y vais. Voici justement Patrick, le Patrick dont je vous parlais. Voilà. Et... Yo. Bonjour à tous. Yo. qui est la médecin, infirmière? Très bien. Je vous présente Lucie. On a un petit souci avec Lucie. C'est que malheureusement, on l'a trouvée dans cet état, pour ainsi dire. Et malheureusement, il lui est arrivé quelque chose avant qu'on la trouve et elle ne se souvient de rien. Elle est dans un état assez confus depuis qu'on l'a trouvée, et elle est aussi incapable de nous dire depuis combien de temps elle est enceinte et pour combien de temps elle en a encore. On aurait besoin au moins de se préparer et donc de savoir où est-ce qu'on en est. Je me suis dit que si vous êtes médecin, vous avez peut-être des bases en natalité ou en ce genre de choses. Et avec un examen, vous pouvez me dire quand ça arrivera ? Eh bien, malheureusement, sans une échographie, ça risque d'être compliqué d'être très précise, mais je vais voir ce que je peux faire. Vous avez besoin d'une pièce à vous deux ? Oui. Je sais pas comment ça se fait, honnêtement, donc... Oui, c'est très bien. Très bien, ok. Donc il se tourne vers Lucie, il fait amène-la, enfin allez dans le placard à balai. Cinda viendra avec moi. Si aussi t'as autre chose de prévu. Bah absolument pas, je t'assiste comme d'habitude. Hein. Très bien. Ça sera peut-être un peu trop étroit. Trouvez-vous une pièce vide où il n'y a personne. Parfait. Et du coup, vous quittez la pièce en suivant Lucie. Ouais. Et vous quittez les lieux. Pour ce qui est de ceux qui restent dans la pièce, donc Alexios aussi et tous les autres personnages ainsi que, enfin tous les autres survivants ainsi que Ed, Patrick se tourne de nouveau vers vous et il vous dit bon, ce soir. On va pas manger le meilleur des repas, mais bon, c'est les restes qu'on a recuisinés. C'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi, donc vous vous attendez pas à grand chose. J'espère okay, que ça vous plaira. Nous ne sommes pas difficiles. Déjà, on apprécie grandement ce que vous faites pour nous. Évidemment. C'est avec plaisir, ça. J'ai pas encore eu l'occasion de parler à Razneuve. Vous m'avez dit, vous restez longtemps ? Bien, écoutez, Razneuve ne nous a pas encore donné de date, enfin de temps en partie. Il nous a dit que on pouvait rester au moins déjà pour ce soir. Ou, après, il nous a pas dit qu'on devait partir demain. Donc, je pense que quand Razneuve reviendra, on pourra peut-être en discuter un peu plus. Ouais, parce que je vous avoue que si votre docteur là, il revient et qu'elle me dit que c'est dans une semaine, deux semaines, j'avoue que j'apprécierais que vous restiez sur place. Écoutez, je pense que faut voir ça avec le groupe également. Je ne suis pas le ce n'est pas moi qui dirige le groupe. Nous sommes tous. Au même niveau, donc chacun sera apte de choisir s'il veut rester ou non. On en discutera ce soir alors. Mmh. Effectivement. Bon, je vais vous laisser vous reposer. Quand Lucie reviendra, vous pourrez juste lui dire de me rejoindre justement au quartier général. Ok. Et sur ce, il quitte la pièce, vous laissant à nouveau seul Ed, Alexios, les frères Place, Bob et Eric. Du coup, moi, je vais essayer de voir, c'est de retrouver peut-être où est Kali, voir où ce qu'elle fait et si elle s'amuse avec les autres enfants. Ok. Du coup, tu quittes. Et tu repars à l'aventure. C'est ça. Pour ta part, Alexios, est-ce que tu fais quelque chose ? Je me soigne. Je regarde le plafond. Je compte les moutons. Non, en vrai, j'essaie de me lever comme je peux et je vais essayer de trouver un endroit. Je regarde un des gardes. Il n'y a pas une chambre quelque part de libre pour que je puisse me reposer. Pour éviter de déjà de montrer du sang qui est sur la table ou des bandages un peu saignants. Non. Tu vois que le garde tout simplement te regarde et te dit non. Je disais vous pouvez vous balader, mais les chambres c'est des chambres. Hein. On peut pas vous fournir un lit comme ça. Ils sont tous pris de toute manière. Ouais, je vais me contenter de votre table. Ouais. Vous comptez rester longtemps ? Dit-il maintenant que vous êtes un peu tout seul sans Patrick. Peut-être. Mais une fois que je serai rétabli, je pense que tout le tire. Pensez pas trop vous installer non plus. On est un peu limite en termes de nourriture. Ouais. Ce à quoi les plus le place, Melrose Place, enfin Archibald Place. Attends, c'est Melrose. Non, Melrose. Melrose Place, du coup, répond « Oh, ça, vous inquiétez pas. Dès qu'on peut, on reprend la route. » Ce à quoi enchaîne son propre frère Archibald qui dit « Mais d'abord, on attend les autres. » Voilà. Si cette discussion ne continue pas plus que ça, je vais continuer avec Cinda et Ashley, enfin les drivers, qui ont donc suivi Lucie dans une des pièces les plus proches où il ne semble y avoir personne. Et Driver, tu te mets au boulot. Je vais te demander un jet de connaissances. Ok. Je lui pose quelques questions aussi. Du coup, je lui dis, depuis combien de temps est-ce que vous êtes là déjà ? Je sais pas trop. Peut-être 5 jours ? Oui, bien sûr. D'accord, très bien, 5 jours. Et vous êtes réveillé il y a combien de temps ? Réveillé, comment ça ? Il n'y avait pas une histoire de vous êtes réveillé dans une ruelle ? J'ai peut-être mal compris, excusez-moi, j'étais un peu... Je sais pas trop où je me suis réveillé, C'est compliqué, je me souviens pas vraiment de mon nom non plus. D'accord. Si, c'est juste parce qu'il me faut un nom. Et vous vous rappelez pas du tout, du coup, quelle est à quand date le souvenir le plus lointain que vous ayez ? Le plus lointain, ça doit être quand je suis arrivé au musée. Super. Sinon, j'ai fait 33 sur mon test, je suis moyen. Ok. D'accord, très bien. Du coup, je regarde un petit peu son ventre, essayer de voir la taille que ça fait. Peut-être que je lui demande légèrement de remonter son t-shirt pour au moins qu'on voit le au niveau de la peau. Peut-être même que je vais tenter des bas et je vais reposer ma main pour voir si on sent le bébé à travers. Est-ce que vous sentez des contractions parfois ? Vous le sentez bouger ? Je suis pas trop sûr. Des fois, j'ai l'impression... Mais je suis pas certaine. Très bien. Est-ce que vous avez des nausées et des vertiges ? Est-ce que cela vous arrive de vomir ? Oui, le matin parfois. Vous n'avez pas de souvenirs depuis très longtemps, mais on ne sait jamais, je pose quand même la question. À quand datent les dernières règles ? Je m'en souviens pas. Oui, je m'en doute. Pour ce qui est de ton jet et des résultats, t'observes un peu, tu fais de ton mieux et tu penses que... Bon, ça se voit déjà à vue d'œil, mais elle est sûrement dans les dernières étapes, hein, déjà. Parce qu'elle... Elle est bien enceinte. Et en regardant, en effet, tu penses que... Ouais, en effet, on est peut-être dans... Si tu devais dire quelque chose, ce serait que t'es dans le dernier mois, peut-être dans l'avant-dernier mois. S'il n'y a pas de complications, en tout cas, parce que ça arrive assez souvent, au final. Ouais. Mais, ouais, ça peut être assez immédiat. De ce que t'en penses. Dans 2 semaines, très bien. Est-ce que vous avez du mal peut-être parfois quand vous vous déplacez ? Est-ce que ça va, vous manquez pas trop d'énergie ? Je sais pas si vous avez beaucoup de nourriture pour tout le monde ici ou est-ce que vous êtes obligé de rationner ? On n'a pas beaucoup. Ah oui, vous avez pas beaucoup. Vous faites pas des expéditions pour aller en récupérer ? J'ai vu que vous aviez des armes à feu, des armes de type Kalachnikov. Ça devrait être suffisant pour faire quelques trois expéditions en ville de temps en temps, non? C'est important pour le bébé. Je sais qu'on a des gens qui font des expéditions, mais il y a de moins en moins de choses en ce moment. Je sais que ils étaient concentrés sur autre chose les dernières fois qu'ils sont sortis. Autre chose que trouver de la nourriture. Mais c'est pas très Razdov qui s'en occupe, donc. C'était pas la fois où il s'était occupé de l'hôpital. Ils en ont parlé, je crois, dans la voiture. Oui, je crois qu'ils ont parlé d'un hôpital, oui. Oui, c'était cette fois-là, oui. Oui, c'était le guet-apens. Oui, le guet-apens, l'hôpital, exact. C'est ce qu'il nous a dit dans la voiture. Pendant ce temps-là, je continue de faire souvent de faire des trucs, même des trucs inutiles, hein, genre je prends le pouls, etc., le rythme cardiaque, tout va bien. N'hésite pas de temps en temps de me demander un objet à la con, en mode tiens, passe-moi ça. Ouais. Ça, c'est vraiment, je suis là pour ça. Évidemment, on va l'allonger, est-ce que tu peux me l'aider à l'installer, etc. Voilà. Et puis, je continue de poser 2-3 petites questions, puis même d'ailleurs, si Cinda en a aussi, il y a des moments où je vais faire souvent d'être concentré, n'hésite pas. Ouais, bah, moi, je viens d'écouter, on a déjà eu des trucs super intéressants. Mais pareil, tu vois, genre, je suis dans le même flow, en fait, de poser des questions, d'abord de plus générale à sa santé, des trucs comme ça, en mode, je suis vraiment son assistante, et puis quand il y a une ouverture, j'essaie de voir. Je t'avoue que là, le coup du guet-apens, je pense qu'il y a eu un petit regard entre, entre Driver et moi. Et ouais, moi j'aimerais bien essayer de faire revenir ça un peu dans la conversation, mais sans faire forcer, donc c'est un peu compliqué, tu vois, genre d'arriver de faire. Oui, d'ailleurs, oui, le guet-apens ça s'est bien passé, mais tu vois, genre, je sais pas, trouver un truc subtil et voir si ça. Si ça bloque ou quoi. Ouais, non. enfin voilà, bref, moi j'essaie juste de continuer de. D'essayer de la faire parler, mais sans forcer, quoi. Je reste secondaire. T'essayes un peu de parler. Je vais te demander, comme si tu vas faire des petits jets sociaux, je crois. Est-ce que t'es bon en sociaux? Je suis pas sûr. Je dois être bon. J'ai pas fait un seul jet dans une catégorie où je suis bonne depuis le début de la soirée. Il y a bien un endroit où je suis bon. Tu vas me faire un jet en pouvoir, dans laquelle tu es très mauvaise. Mais non. Oh ouais. Mais je suis bon dans quoi? Mais dans rien, en fait. T'inquiète, ça passe. Allez, on descend. Ok, j'ai fait 48 et je suis très mauvaise. Ok. Bah du coup, t'essayes de poser un peu des petites questions ou sous forme de discussion et tout ça. Mais rapidement, tu te rends compte qu'elle se rend compte, que vous vous rendez compte, qu'elle sait que tu cherches quand même à avoir des informations dans ce que tu dis. Tu te débrouilles assez mal, on va dire, pour le cacher. Et elle dit mais si vous voulez, après j'irai dire à Patrick que ça vous intéresse pour aider. Je fais un ouais, et puis je regarde Driver en mode bon bah ça c'est fait. Je lui tends un objet, tu sais, que genre qu'elle m'a tendu il y a genre 2 minutes avant. Comment tu sais, le gros coussin, tu regardes en... Levez la tête. Très bien, très bien. Ah putain, c'est vrai que je viens de décider, moi je suis pas fait pour parler aux gens. Parfait, hein, c'est pour bientôt. Hein. C'est vrai? Ah oui, je pense que là il y en a plus pour bien longtemps. Hein, donc je pense que le mieux serait que tout se passe bien. D'ici l'accouchement, et alors bon, en effet, vous aurez besoin de moi, vous savez, le grand danger, alors je veux pas trop vous inquiéter, hein, mais c'est que si jamais le bébé venait à lui arriver quelque chose, d'ici là, malheureusement, il pourrait lui-même se transformer en marcheur, et à l'intérieur de votre ventre, ça pourrait faire de gros dégâts, alors ne vous en faites pas, heureusement pour vous, moi et mon groupe, et notamment Cinda, mon assistante, sommes là pour vous aider, donc on dirait bien qu'en ce moment nous avons autant besoin de vous que vous avez besoin de nous. Oui, Dieu merci, vous êtes là. C'est vraiment, on avait vraiment besoin de vous. Ah, c'est sans doute lui qui nous envoie, oui. J'avais peur que ça se passe mal depuis que le docteur Carter est parti, donc. Ah oui, non, vous en faites pas, j'en ai fait accoucher un paquet. Il est parti où, le docteur Carter? C'est direct Cinda. Je sais pas, c'est... Je crois que c'est Raznov et Patrick aussi qui s'étaient occupés de ça. Ils s'étaient pas bien intégrés et ils voulaient partir. Ce que j'ai compris. Ouais, ils sont très occupés, oui. C'était il y a combien de temps? Juste pour savoir depuis combien de temps est-ce que vous êtes sans médecin. Il faudrait pas qu'il y ait un début d'épidémie et ça pourrait valoir le coup que j'inspecte tout le monde. Ça fait peut-être 2 semaines, peut-être. D'accord. Oui. Oh oui, bon, ça pourrait valoir le coup. Je pense que 2 semaines, je ferai un petit check-up, peut-être au niveau des provisions, etc. aussi, que rien ne s'infecte, etc. On a vite. Dans d'autres colonies, avant qu'on arrive, on a déjà eu quelques accidents du genre. Bon, ça coûte rien de regarder. Et ça arrive souvent des gens qui disparaissent comme ça ? Pas que je sache. Mais quand vous dites qu'il a disparu, qu'il est parti, c'est. Comment ça? Je sais pas, j'étais pas là pour les adieux. Je me sentais mal ce jour-là. Ah oui? Pourquoi? Tu vois qu'elle baisse la tête et elle montre son ventre. C'est des journées comme ça. Ah oui, bien sûr. À ce moment-là, je regarde Cinda, j'essaie de voir si elle partage mon regard. Forcément. Mon regard appuyé qui dit « Comment ça, le docteur, il est parti il y a 2 semaines, vous êtes arrivé il y a 5 jours ?» Totalement. Hein, c'est genre, je te rends ton regard et puis je continue de faire mine de rien, genre nettoyer un outil, un truc comme ça, tu vois, genre c'est... Cinda, non, moi j'étais cramé, je fais plein d'actions, enfin genre je sers vraiment à quelque chose. Eh bien écoutez, ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, heureusement... Pour vous, nous sommes là puisque je pourrais vous assister lors de l'accouchement. Comme dit, je pense que c'est pour bientôt. Alors, évidemment, ça dépend des personnes, ça change à chaque fois. Et en plus, je n'ai qu'une estimation assez floue. Et en temps d'apocalypse, nous pouvons avoir des complications. Mais je dirais que l'enfant sera là d'ici 2-3 semaines, 1 mois et demi environ. Je peux me tromper, évidemment. C'est une fourchette assez large. Malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que moi et mon assistante Cinda sommes là pour vous aider, et que nous avons également Ed Smith qui, vous l'avez peut-être vu passer, s'occupe lui-même d'une petite fille. Il a l'habitude de s'occuper d'enfants, donc il pourra peut-être, si jamais à un moment vous avez un petit peu de mal, vous avez besoin de vous faire avec les enfants, il pourra venir vous aider. Et nous avons également Alexios O'Brien, peut-être que vous l'avez vu aussi, qui lui connaît la ville par cœur. Si à un moment nous avons besoin d'aller récupérer quoi que ce soit pour le bien-être de l'enfant, il saura quel bâtiment fouiller. Et ça pourrait être intéressant d'en parler à Patrick et Raznov de cette information. Vous pouvez les rassurer que tout va bien. Je leur dirai. Tout va bien. Parfait. Eh bien, nous avons fini. Vous voulez qu'on vous aide peut-être à rejoindre la salle principale ? Non, je vais y aller. Très bien. Du coup, elle se remet sur ses pieds. Elle s'était assise à un moment pendant... Ouais, oui, bien sûr. Enfin, pendant toute l'inspection et tout ça. Et du coup, elle vous dit à bientôt, alors. À bientôt. Pas trop vite non plus. Je vais essayer. Dès qu'elle ferme la porte, le regard tombe. Je me retourne vers Cinda, je fais... À mon avis, dès qu'on aura plus d'utilité pour eux, j'ai tenté de sauver les meubles comme je pouvais, mais... Oui, non, mais... Enfin, faut espérer qu'ils soient vraiment partis, en fait. C'est moi ou elle s'est trompée un moment au niveau des dates? Oui. Elle était là depuis 5 jours. Ouais. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Après... Pardon. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Ouais, bien sûr. Mais je suis quasiment sûr d'avoir vu une arme... dans la main de l'autre tout à l'heure, quand je vous ai demandé de nous mettre à couvert. J'ai vraiment pas confiance. Dans tous les cas... Comment dire ? Je pense qu'il faudrait que je te parle d'un truc. Je crois que c'est le moment, on est que toutes les deux. Ouais. Du coup, Sindar, il faut que je te dise un truc. Ça va faire quelques temps que je te le cache et que j'avais envie de t'en parler. Mais j'avais un peu peur et je pense que tu comprendras parce que justement, cette chose, on va dire, que j'ai omis de te parler, dont je ne t'ai pas parlé, et peut-être ce qui est en train de nous sauver la vie actuellement, mais risque de la compliquer également sur le long terme. Disons que tant que... comment dire ? C'est pas évident d'aborder ça. Tant que notre cher Misha était avec nous, le problème n'avait pas vraiment lieu d'être. Mais il se pourrait que j'ai menti sur mes qualités en tant que docteur. Ah, bordel. Du type, j'ai quitté l'école au premier semestre de la première année. Oh bordel. Attends. Je ne sais pas ce qui m'a pris de dire ça, mais j'avais l'impression que les médecins, par le temps actuel, étaient la denrée la plus rare, et que ça me permettrait de survivre et d'être maintenu en vie, quel que soit le groupe. Mais t'as soigné Alexios ? C'est méga dangereux ce que t'as fait. Ok. Mais regarde, aujourd'hui c'est peut-être ce qui va nous maintenir en vie. Si ça se trouve, elle va aller raconter tout ça aux autres, ils vont penser qu'ils ont besoin de nous, et c'est pour ça qu'on va pas finir comme l'ancien docteur. Ouais, mais tout à fait. Enfin, il y a du positif. Alors, c'est dangereux ce que t'as fait, mais on s'en sort donc ça va. Mais bordel. Non, mais. Attends, à ce moment-là, je me retourne et j'essaie de regarder s'il n'y a pas des caméras ou des micros dans la pièce. Trop tard. Ouais, c'est un peu tard, mais. Vous êtes en réalité en compagnie de Brasnov, Patrick Hack. C'était caché. Non, tu regardes un peu autour, il n'y a pas de caméra ou quoi que ce soit, ou en tout cas au lieu là où il y a un... Évidemment, encore plus. Et je lui dis, je pense qu'il faut qu'on parte. En réalité, le délai pourrait très bien arriver d'ici une semaine ou deux. Il faut qu'on parte le plus vite possible. Ça va nous laisser un peu de temps. Totalement d'accord, il faut qu'on parte et il faut. On va jouer le jeu. Ce que tu m'as dit restera entre nous, tu resteras officiellement médecin. On va réussir à tenir le cap. Tant que tu restes utile à leurs yeux, on a une manœuvre d'avance sur eux, si jamais ils se retrouvent être. Personne parmi eux n'est médecin, donc je peux toujours leur raconter n'importe quoi. Ils n'auront pas les connaissances pour se rendre compte que je leur raconte n'importe quoi. Faut quand même faire gaffe. Ouais. J'ai essayé de mettre le maximum d'entre nous dans le, on va dire, le mensonge. Il faut peut-être les mettre au courant, pas forcément de ma situation, mais au moins leur faire comprendre que s'ils ne montrent pas à ce groupe qu'on est indispensable pour eux, alors il y a de fortes chances que... Parce qu'elle a quand même parlé de guet-apens. Hein. Et je crois que le gars nous avait parlé de l'hôpital et de l'explosion. Je sais plus s'il avait avoué que c'était eux qui étaient derrière eux, derrière ça ou pas. J'avoue que c'était la situation était impressionnante. Il me semble que oui. Il a dit qu'il était lié aux hôpitaux. Mais le terme guet-apens, de là où je viens, tu l'utilises pas. Je suis d'accord. Ce que je te propose. Ton secret reste entre nous deux. Tu sais, il y a ce truc de. Enfin, si on en parle, il y a une chance que ça fuite, que quelqu'un fasse une gaffe, fait que. Voilà. On est tous les deux dans la confidence. Et il va falloir qu'on... Ouais, comme tu l'as dit, qu'on explique au groupe et qu'on les motive qu'il faut qu'on passe pour indispensable et que nous, on trouve à côté un moyen de partir au moment opportun. Ouais, oh merde. Je savais que ça finirait par jouer. Dernier conseil, fais juste gaffe Normalement, on conseille de l'AOG1 quand tu rencontres quelqu'un d'un milieu, on te conseille de baratiner, d'utiliser des mots compliqués pour faire croire, mais juste s'ils ont été au contact du médecin, je pense sur Rasnov, etc., reste vague malgré tout, parce que si tu utilises un terme et qu'ils l'ont déjà entendu par le médecin qui a expliqué, tu vois, genre ça pourrait se retourner contre vous. Oui. Sur les grosses têtes pensantes, malgré tout, reste vague, sur le reste, continue. T'es super forte là-dessus. Pour revenir où on en était, Ed, de ton côté, du coup, toi, tu avais du coup repris l'exploration à la recherche des enfants. Et il est vrai que du coup, en fouillant un peu, t'avais commencé toi aussi à entendre les rires d'enfants. Et suivant la petite traînée de rire dans les couloirs, tu es arrivé finalement de nouveau à l'endroit où tu as rencontré les premières personnes depuis que tu es arrivé, c'est-à-dire l'espèce de cuisine, stock, etc. Si ce n'est que cette fois-ci, en plus des trois femmes, il y a quatre enfants, dont Kali. Ok. Tu vois que c'est deux. Il y en a deux qui ont l'air d'être un peu plus jeunes que Kali, pas énormément. Et le troisième a l'air plus âgé que Kali. Disons que si Kali a... Combien on avait dit que Kali avait ? 7 ans. 7, ouais. Kali a 7 ans, lui, il doit en avoir peut-être 10. D'accord. Voilà. Et là, il y a les adultes avec nous. Ouais. Ok. Enfin, elle ne s'occupe pas des enfants en particulier, mais ils sont dans la même pièce, quoi. Les enfants sont... Oui, voilà, donc je ne peux pas parler aux enfants... Sans que les adultes nous entendent. Ce serait compliqué. Sauf voilà. Si tu veux te mettre à genoux devant eux et commencer à chuchoter, ce sera peut-être mal vu. Ouais, voilà, c'est ça. Écoutez, bah, du coup, je dis à haute voix, je dis, bon alors, vous amusez bien, ça va Kali? Tu vois que Kali te fait un oui, avec une espèce de grand sourire en soulevant un peu la tête comme ça. Ouais. Elle est bien contente, a priori, de ce que ça doit faire bah, depuis le début, de toute manière, de ce qui s'est passé. Quasiment, qu'elle n'a pas passé de temps avec des enfants, donc tu la redécouvres un peu ouais. Véritablement enfant. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que jusqu'à présent, elle n'a pas eu, elle n'a pas souri comme ça depuis longtemps. Ok, bah après je reste un petit peu à les regarder jouer, à être content pour si jamais à un moment donné t'as les enfants qui changent de pièce ou quoi, bah j'essaierai de façon assez discrète de les suivre sans que ça fasse trop bizarre, tu vois, genre non mais oui voilà, pour pas juste voilà, je change de pièce et c'est tout quoi. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé pouvoir parler aux plus grands, essayer de, ben, moi aussi, en apprendre un peu sur le groupe. Et comme on dit toujours, l'adage veut que la vérité sorte toujours de la bouche des enfants. Donc, essayer un petit peu en apprendre sur le groupe, s'il y avait plus de gens avant, si ça se passait bien. Eh bien, je vais. La chance est avec toi. Tout simplement parce que bon, tu refais un petit tour encore, histoire de montrer que tu visites. Et quand tu reviens sur place, ils ne sont plus dans la pièce, donc tu continues de nouveau un peu ta visite. Et tu les retrouves rapidement dans une autre pièce juste à côté, qui avait l'air d'être la zone art préhistorique du musée. D'accord. Bah du coup, je me rapproche d'eux tranquillement. Je dis, bah alors les enfants... Vous êtes heureux ici, ça se passe bien. Tu vois que les enfants, les deux plus jeunes, ils disent oui, c'est super ici. Et le plus jeune, juste, il dit ouais, c'est cool. Enfin, c'est sympa. Il est peut-être un peu trop jeune pour utiliser c'est cool. Ouais. Ouais. Et ça va, les grands, ils sont gentils avec vous, enfin, ils se disputent pas trop. Non, ils sont très gentils. Putain, c'est le grand qui parle ou c'est les... Là, c'est les petits. Le grand, il a pas l'air d'être non plus super bavard. Faut dire que, bon, ils sont quand même plus jeunes aussi, les deux avec lesquels il a passé le plus de temps. Il a sûrement pris un peu l'habitude de, d'avoir un peu son petit monde aussi depuis. D'accord, ok. Ok, bah écoutez, en tout cas, nous, enfin, avec Kali, on ne sait pas si on restera, si on restera tout le temps, mais écoutez, essayez de, bah, d'en profiter, de jouer, parce qu'après, peut-être que nous, on va s'en aller, hein, on ne sait jamais. Du coup, vous allez rester, dit le plus grand. Bah, on sait pas, tu sais, ça dépend si alors c'est Raznov, c'est ça? Si Raznov et Patrick veulent bien qu'on reste, et puis s'il y a... ils veulent toujours que les gens restent. C'est vrai, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont restés récemment. Je sais pas, peut-être. Ça fait combien de temps que toi t'es là? Ça fait... Je vois qu'il essaye de réfléchir, peut-être même qu'il connaît pas le nombre ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il dit... Ça fait longtemps. Et ton papa, ta maman, ils sont là? Oui, j'ai mon papa. D'accord. Bah écoute, je sais pas, on verra si c'est possible de rester. Si c'est possible, on restera. Sinon, bah, on devra partir. Tu vois que je prends vite fait Kali à partie, enfin dans un et je dis Kali. Alors je vais te demander une petite mission pour moi. Alors il faudra que tu le dises à personne. Ça restera entre nous. Il va falloir que tu essaies de voir avec le plus grand tu posais des questions un petit peu sur les gens qui sont avec lui, sur les grands, ce qu'ils pensent des gens qui sont dans le groupe, si certains sont peut-être méchants ou pas, s'il a vu des trucs bizarres, mais il faut que tu fasses passer ça comme si c'était un jeu entre vous et que c'était des secrets entre et que les grands ils doivent pas le savoir, tu vois. Tu pourrais faire ça pour moi? D'accord. Ok, ben merci. Du coup, je te laisse jouer, vas-y. Et puis je m'en vais. Je vais repasser à Alexios qui du coup est resté au calme dans sa pièce, hein, toujours. De toute manière, il peut pas faire grand chose, hein, le Alexios. Il est accompagné donc toujours des Flays, de Bob et Eric et des deux gardes. Alexios, tu as remarqué qu'au fur et à mesure, il y a quand même une discussion qui s'est lancée entre les Flays, ainsi que Eric et Bob, et toi un peu, mais on va dire que. On t'a déjà montré que t'avais pas trop envie de parler avec les Plays, a priori. Vu qu'à chaque fois, tu les as rembarrés. Je les écoute. Ouais, je parle pas aux voleurs. Et tu... Pour ainsi dire, t'as compris assez vite que les Plays sont, comme d'habitude, naturellement très méfiants. Ouais, ça change pas d'habitude. Extrêmement méfiants et qui sont... Basiquement, ils sont repartis dans l'idée qu'ils avaient au tout début même, avant que vous arriviez à créer une espèce de petite unité dans l'urgence. C'est-à-dire qu'ils disent « Écoutez, on peut pas rester là, on peut pas rester là plus longtemps que ça. Ce soir, après le repas, on... » Bien sûr, ils le disent assez discrètement. Ils sont assis autour de toi et les gardes, eux, sont à la porte. Ils sont pas en mode « On fait un plan secret, disons-le à haute voix. » Mais... Ils disent ce soir après le repas, on va s'excuser et on va partir directement. Ceux qui veulent rester, ils resteront, tant pis pour eux. Mais nous, on se barre. Ce à quoi Eric, le plus jeune, acquiesce. Bob, lui, a l'air plus pensif, plus triste. Je sais moi, pas si toi tu dis quelque chose. D'accord, tu dors. Je fais semblant. Je fais semblant de dormir. J'écoute ce qu'ils disent. Et en même temps, des fois, tu sais, j'ouvre un peu les yeux, je jette vers les gardes. Ok. Tu regardes vers les gardes de temps en temps et tu remarques que les gardes, honnêtement, ils se sont pas mis chacun d'un côté de la porte comme un espèce de garde militaire ou que ce soit. Hein. S'ils ont essayé d'avoir l'air un peu sérieux au début, là, ils ont abandonné. Et ils ont juste pris deux espèces de morceaux d'œuvres d'art, des espèces de gros cubes qui étaient sûrement assemblés les uns avec les autres à la base, mais ils ont posé, ils se sont installés et ils sont juste en train de jouer aux cartes à côté. Non, ils sont pas sérieux, quoi. Ouais, ils sont même, pas... Même un zombie peut rentrer là. Moi. Ouais, peut-être même qu'il verrait pas. Ouais. Je tape sur l'épaule de Place et je lui montre la porte. Okay. Lequel Place? Ça, je fais un... bah, celui qui est le plus proche de moi et je lui dis okay. Bien regarder la porte. Mm-hmm. Tu vois qu'il suit ton regard, il regarde. Tu regardes de nouveau dans ton sens. Et il dit... ils sont pas très sérieux. Si on se fait attaquer par quelque chose, par quelqu'un, on est tous morts. C'est leur tanière, de toute manière. Ils sont sûrement très à l'aise. Ils sont sûrs contrôler la situation. Ouais. Ben, quand on regarde le caddie au market, on ne contrôle rien du tout. Bref, faudra qu'on trouve un lit parce que je commence à avoir très mal. Tu vois que Melrose, du coup, donc c'est celui qui avait volé, c'est celui-là à qui tu parlais, c'était Archibald, c'était celui-là qui est son frère, qui est un peu plus calme. Melrose, à ces mots-là, il se lève, et il se dirige vers les gardes et il fait « Dites-moi, vous deux, vous êtes sûr que vous n'avez pas un lit pour mon ami ici ?» Que les gardes, juste ils le regardent de manière circonspecte, ils étaient sûrement certains d'avoir fait comprendre que vous aurez pas de lit. Et Melrose continue, il dit parce que il est en train de... Il est mal, vous pouvez pas le laisser sur du caillou comme ça, il lui faut un lit. Au moins apportez-nous un coussin et un drap. Quelque chose. Je que les gardes, ils se regardent. Et il y en a un des deux qui souffle et qui fait bon. Je reviens, je vais lui apporter un oreiller à la princesse. Et il quitte les lieux. Je regarde Rose, je fais. Mais je sais que je commence à avoir mal au dos de rester sur ce caillou et si j'ai pas de truc, que je risque de bouger par moi-même pour trouver un lit. Donc je ferai une grosse connerie. Du coup, le temps passe et le temps passe. Les discussions un peu continuent. Tu vois que Bob, le plus vieux du groupe, donc, est quand même pas très motivé à l'idée de s'enfuir aussi rapidement. Parce que il aimerait bien revoir Cillian, celui qui l'accompagne depuis un peu le tout début. Il faut dire que... Depuis le temps que toi tu les connais, ils étaient un peu nouveaux dans le groupe, mais ils ont toujours été ensemble, et ça a toujours été Cillian qui prenait un peu... qui s'occupait de Bob. Qui est pas très... Il est très vieux. Donc là, il est un peu tout seul, et a priori, les Melrose... Enfin, les Place, pas les Melrose. Les Place ne sont pas... Même s'ils sont... Ils essayent d'être un peu sympas, mais ils sont pas non plus attentifs à sa vieillesse. Bob, si tu veux rester ici, t'as le droit. Tu n'es pas obligé de venir avec nous. Tu vois que Bob, il baisse un peu la tête et dit « Je vous suivrai où vous irez. Je peux pas... C'est avec vous que je suis, de toute manière. » Mais écoute... Mais il faudrait qu'on attende un peu plus. Je suis sûr que Cillian ne me laisserait pas comme ça, s'ils sont quelque part, il est en train d'insister pour nous trouver. On ne compte pas trop sur ça. La ville, c'est une panne. Ils ont dit qu'ils laisseraient quelqu'un sur place pour les retrouver, sur le point où ils nous ont rencontrés. Mais tu crois que tu leur fais confiance à ces gens-là? Ils sont même pas capables de donner un lit à un PC. J'espère. Les jeux, ils sont pas du tout sérieux, ils jouent aux cartes alors qu'ils devraient faire la garde. Tu vois, du coup, tu lances Bob sur une d'une humeur pensive. Humeur pensive, qui... ouais. Humeur pensive pour toute la pièce qui sera rapidement brisée du coup par le retour de Cinda et Ashley et assez rapidement après de Ed. Pendant ce temps, le garde qui reste encore dans la pièce, lui, prend un air un peu agacé. Il fait où est-ce qu'il est passé ce con bordel ? Il est pas capable de trouver un oreiller. Il se lève, vous regarde un peu d'un air comme s'il était hésitant et il fait je reviens tout de suite. Et quitte la pièce. Ouais, reviens tout de suite. Vous êtes donc entre, entre survivants. J'aurais deux trucs à dire. Déjà, pour commencer, avant de revenir, on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps avec Cinda. Parce que j'allais dire, en vrai, c'est une des premières fois qu'on s'est retrouvé toute seule depuis longtemps. Genre, juste au moins le temps de se faire un gros câlin ou un truc comme ça. Parce que là, on a une espèce d'énorme pic de pression. Et c'est sans doute le seul moment avant longtemps qu'on puisse, genre se poser, souffler un peu. Après, bah forcément, la situation a l'air d'être un peu alarmante, donc on n'est pas resté des heures non plus, mais on va dire au moins un bon gros câlin de 5 minutes, quoi. Oui. Et en effet, dès qu'on débarque, notamment vu que le garde part et qu'on se retrouve seul avec les autres, tout de suite dans nos regards, je pense que ça se lit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et j'ai l'impression que dans leur regard également, on peut lire la même chose. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas confiance du tout, il se passe des trucs très très bizarres. En tout cas, ça parle de guet-apens dans la ville, de médecins qui disparaissent du jour au lendemain, et d'incohérence au niveau des dates, je pense qu'on nous ment. Peut-être même que la séance avec la femme enceinte, c'était simplement un test pour voir si on était vraiment médecin ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont pas confiance en nous et j'ai pas confiance en eux non plus. Je leur raconte à peu près tous les arguments qu'on a. Ok. Bah, je comprends que ça peut être comme ça. Vous avez peut-être raison. Maintenant, il va faire nuit. On peut décemment pas partir comme ça tout de suite. Ouais, ce serait sinon un problème. J'ai légèrement menti. On est d'accord, il n'y a plus de garde. Non, il n'y a plus de garde. J'ai légèrement menti sur mon diagnostic par rapport à cette femme enceinte. D'ailleurs, ils lui ont donné un nom, mais on n'est même pas sûr que c'est son vrai. Elle dit avoir tout oublié. Ce qui a l'air d'être plus ou moins le cas, on ne sait pas trop. Je leur ai dit que toi, de ton côté, Ed, tu étais un spécialiste d'éducation des enfants et notamment des nouveaux-nés. Et toi, Alexios, que tu saurais, d'ailleurs, c'est peut-être le cas, parfaitement où trouver en ville du matériel pour s'occuper d'un enfant. Si jamais on vient vous voir ou quoi que ce soit, vous dites, vous allez dans ce sens-là. Ok, ça marche. L'idée étant de se montrer indispensable pour la communauté, j'ai très peur de ce qui pourrait se passer si c'était pas le cas. Malheureusement, là, je m'adresse entre vous, j'ai pas pu inclure non plus tout le monde, ça aurait eu l'air un petit peu trop gros. La carte que je vous ai filée, les filles, il va falloir que vous la gardiez précieusement sur vous. Très bien. Le problème, c'est que si vous avez la carte que je vous ai filée pour vous diriger, il faut que vous la cachiez. Pas qu'elle tombe entre leurs mains. Sinon, ils vont vouloir faire péter des choses et tout ça. Ça vaut ce que ça vaut aussi, mais si j'ai eu l'impression de... Il y a eu des problèmes. De voir que ce fameux Raznov avait une espèce de Kalash ou autre. Je connais pas exactement les noms avec lui tout à l'heure. Je me demande s'il serait pas plus armé qu'il voudrait le faire croire qu'il s'agirait pas d'une des milices potentielles. Ça collerait avec cette histoire de guet-apens, mais je préfère pas en dire plus pour le moment où je pourrais me tromper. Enfin, en tout cas, parfois les apparences peuvent être trompeuses. C'est bien de rester sur nos gardes, vous avez raison. Après, comme je vous dis, c'est... Là, on n'a pas trop le choix. On pourra toujours se dire qu'on puisse pas peut-être partir demain. Mais là, cette nuit, ce serait du suicide. Oui, peut-être pas demain. On peut prendre quelques jours, le temps d'essayer d'en savoir plus. Mais je pense qu'avant la fin de la semaine, il faudra se décider. D'accord. Très bien. Ce à quoi, bah, évidemment, les Flays protestent un peu, vu qu'ils vous expliquent un peu la discussion qu'ils avaient eue avec les autres. Je vais pas vous la refaire. Mais ils disent que... Si c'est pour rester au moins jusqu'à demain, ils veulent bien, mais il faudra que vous en rediscutiez demain encore. Voilà. En gros, c'est ça, okay. leur avis, c'est chaque jour. Chaque jour, on doit en rediscuter pour se mettre au courant. Et si on décide que ça chauffe trop, on se barre. Ok, moi ça me va. Ça me va. Moi aussi. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'ils aient la main sur cette carte-là. Bah, de toute manière, ça va. T'en as pas parlé à haute voix pendant que les gardes étaient à côté. 10 Melrose Place. Ouais, mais les gardes, ils étaient en train de jouer aux cartes, hein. On aurait pu se faire attaquer deux fois. Du coup, la discussion se termine un peu, vous vous êtes mis un peu d'accord, vous vous êtes échangé, je pars du principe que vous racontez un peu de manière plus précise ce que vous avez croisé les uns les autres, pour donner un petit tableau. Et a priori, le temps passe assez pour que, rapidement, Raznov rentre de nouveau dans la pièce. Donc ce fameux barbu qui vous a mené après avoir scindé la mer en deux. Rentre dans la pièce à nouveau et vous adresse directement la parole. Nous allons bientôt manger. Si vous voulez bien me suivre. Ok. Il faut que je vous parle du coup de la femme enceinte. Mmh. Et je lui raconte les déductions que j'en ai faites sur votre... Enfin, évidemment, les fausses déductions que j'en ai faites. Même si, en soi, c'est pas si loin de la réalité, non plus. Je vois qu'il prend les paroles d'un air pensif. Il a toujours sa poker face, hein, pour le Raznov. Mais, du coup, il dit « D'accord, d'accord. On fera ce qu'il faut, alors. » Et vous le suivez dans les couloirs. Les deux places, toi, Ted, Alexios, à te déplacer. Ouais, et par contre, tu vois, je dis doucement aux deux places, c'est bizarre, les deux autres, elles sont pas revenues. Donc, je sais pas où ils vont chercher leur truc dans leur réserve, mais il y a un truc qui cloche. Tu vois que les places répondent pas, mais tu vois qu'il y a quand même un petit d'approbation. Si j'entends ça, je suis en train de penser, on aurait dû se barrer. Et vous le suivez et vous entrez de nouveau dans la dans une des pièces. En fait, c'est la pièce dans laquelle qui était vide jusqu'à présent, celle dans laquelle vous avez fait un peu l'inspection, Cinda et Driver, qui du coup depuis que vous êtes parti a été un peu réaménagée immédiatement pour faire un pour mettre un espèce de lieu convivial, du mieux qu'on peut, avec des caisses, des espèces de meubles volés ou quoi que ce soit, enfin volés, récupérés, oui, dans d'autres maisons et tout ça. Et vous voyez qu'a priori, il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Et maintenant, si vous partez du principe qu'il y a au moins presque tout le groupe, sauf quelques gardes peut-être qui font des patrouilles, ils ont l'air d'être entre 20 et 25. Carrément plus que. Oui, c'est. Alors, est-ce que parmi tous les gens qu'il y a, il y a des personnes âgées ? Non. La personne la plus âgée que tu as, bah, c'est Raznov, qui a l'air quand même d'avoir un certain âge, mais qui doit avoir un peu le même âge que Adam, c'est-à-dire 70 ans, quelque chose comme ça. Ok, donc il n'y a pas de personne qui soit faible, enfin on va dire entre guillemets. Non, il n'y en a pas. Ok. Je note. Voilà. Du coup, bon, on vous invite à vous asseoir, hein, sur différents fauteuils, des canapés. J'imagine que vous vous regroupez un peu ensemble. Et rapidement, du coup, Nathalie, la fameuse cuisinière grisonnante, passe devant chacun avec son espèce de grosse casserole et vous verse dans chacun, dans vos assiettes, un peu de nourriture. Tout ça pour les 20-25 personnes qu'il y a dans la pièce. Il y a des paroles qui s'échangent. C'est surtout des espèces de petits groupes. Vous remarquez que chez eux aussi, il y a l'air d'avoir quand même des petits groupes internes qui discutent plus souvent entre eux qu'avec les autres. Et vous, vous êtes un peu... C'est pas très étonnant, mais un peu laissé de côté. Dans la discussion, en tout cas. Ok. Bah, je prends le temps de regarder justement ces différents groupes qui se sont constitués en essayant de voir de qui ils sont composés et puis s'il y avait vraiment... Enfin, j'essaie au moins voir ces groupes qui se sont constitués. Ok. Bah, du coup, tu regardes, tu vois vraiment les groupes... Je vais pas te donner de nom ou quoi que ce soit parce que je vous préparerai ça de manière solide pour la prochaine session, vu l'heure qu'il est. Mais ce sera assez... Tu vois que les groupes sont pas des groupes politiques, pour ainsi dire. Vous avez des groupes un peu politiques. Voilà, enfin, politiques post-apocalyptiques, mais on se comprend. Ici, c'est pas... y a pas l'air d'avoir de problèmes ou d'avis vraiment trop différents. C'est surtout que c'est des questions d'affinité en réalité. C'est vraiment de l'affinité, il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. Ok. Tout ce que tu remarques, c'est que un peu dans tous les groupes, il y a l'air d'avoir des gens qui semblent vouloir volontairement vous ignorer, tandis que d'autres quand même considèrent quand même que vous existez, vous jettent quelques regards... S'il y a des sourires qui s'échangent, il y a des sourires qui s'échangent, et si vous essayez de leur parler, ils vous répondront. Mais il y en a certains qui sont beaucoup moins sociables, un peu dans tous les groupes. Du coup, au bout d'un moment, le repas avance, je vais vous épargner toute la lenteur d'un repas où plusieurs groupes discutent entre eux. C'est vraiment une espèce d'énorme repas, chaque repas est l'occasion d'une petite fête. Et ils ont raison. Au bout d'un moment, Raznov se lève de table après avoir fini son assiette plus rapidement que les autres et il tape dans ses mains de manière un peu à imposer le silence. À 5 reprises, il tape. La plupart des gens se taisent, d'autres juste discutent à voix plus basse, ils n'ont pas l'air très intéressés. Et Raznov, il dit « Mes amis, comme vous l'avez remarqué, nous avons des nouveaux venus. » dans notre petit musée. Ils sont là pour le reste de la journée, qui se terminera dans pas longtemps. Je pense qu'il est tout à fait naturel que nous leur laissions l'opportunité de rester la nuit, évidemment. Mais il va être nécessaire, bien entendu, de décider si ces gens pourront rester ou non. Vous connaissez notre politique ici, notre devise. C'est que toutes les personnes dans le besoin peuvent rester aussi longtemps qu'elles le voudront. J'espère donc... que vos votes seront en accord avec nos principes. Il se rassoit et Patrick, qui était juste à côté de lui, donc l'homme à la moustache, se lève à son tour et dit à ceux qui veulent permettre un séjour ininterrompu, mis à part par leur volonté, à nos amis, lève la main. Nos amis ont bien entendu le droit de voter tant qu'ils sont présents. Okay. Vous voyez que votre groupe, de manière assez unanime, lève la main. Même les plays qui sont d'idée de se barrer lèvent la main parce que... Pourquoi pas quand même. Ouais, hein, bah si on ne vire pas dans la soirée, c'est mieux, quoi. Ouais. Voilà. Pour ce qui est du reste du groupe, alors viens voir. Je vais demander un peu à tout le monde de me faire un jet... C'est de pouvoir, mais c'est pas vraiment ça. En sachant que ce qui va vraiment compter, c'est surtout ceux qui ont un peu sociabilisé, donc pas beaucoup Alexios, mais Yes. On va faire comme on veut. J'étais sur une table. Donc c'est un jet de... C'est un jet de pouvoir. Bah, laisse tomber. Moi, j'étais même pas là, donc je prends pas les couilles. J'ai fait 99. J'ai fait, ouais, bon. Je vais entendre sur ma table. 36 moyen pour moi. 26, okay. Bon. Ok. Très bien, très bien. Je sais pas pourquoi, j'étais en train d'attendre encore, comme s'il y avait encore Dwayne. Et non. Alors, ah bon, t'étais en train d'attendre Dwayne. Tiens non. Tiens non. Okay. À 23h51, je vois. Ouais. Et vous... En observant un peu autour, vous remarquez qu'il y a l'air d'avoir certaines personnes qui lèvent la main, dont Raznov, Patrick lui-même, ainsi que Nathalie, celle qui a servi la nourriture. Voilà, parmi les personnalités que vous retenez. Vous remarquez, parmi les autres personnalités que vous avez déjà croisées, les deux gardes, ainsi que Lucie, qui, eux, ne lèvent pas la main. Lucie, en réalité, c'est un peu bizarre pour Lucie, parce qu'elle vous regarde, et elle va un peu dans l'idée de lever la main, et elle regarde autour d'elle, et elle ne le fait pas, finalement. Il y a des choses qui se passent de louche ici, je te le dis, moi. Pour ce qui est du reste, il semble que leur principe est vaincu, et avec une très très très légère, sûrement grâce à vous en réalité, supériorité, eh bien Raznov se relève et dit « Nos amis auront donc le droit de rester ici tant qu'ils le souhaiteront, et bien entendu tant qu'ils participeront. »